jours posés selon l'air, selon les jours rouges, selon les jours. Tu as goûté à tout tour, à tous les breuvages. Tu es allé zazazos au bout du voyage, jusqu'au zazos au régime. Gynécologie du gym, jusqu'au zazos au régime. Gynécologie du gym, tu es tombé, bébé. Gina, tombé au fond. De la bibine, au fond, au fond du biberon céleste, tu t'es croyé en quête, doré, doré, doré sans funeste, la vodka de la défonce n'a pas pris ta défense, au bébé, au Gina, Gina vodka, t'ont renvoyé aux origines, gynécologie du gin, t'ont renvoyé aux origines, gynécologie du gin. T'as vu, tu t'es vu viking. Tu as goûté tous les potages. Et d'étage en étage, ton cœur volage. Volé comme un whisky-tee. Whisky king, c'est le whisky king. Vicky, c'est le whisky, oh mais coquin king. Ton expédié, aux origines. Gynécologie du gin. Ton expédié, aux origines. Bonsoir, amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika tous les vendredis à partir de 19h. Nouveaux horaires depuis quelques temps, hein, déjà vous commencez à vous habituer. Donc nous sommes ensemble pour 3 heures jusqu'à 22h. Donc 3 heures de musique dans laquelle on va écouter des artistes de la région. Et d'ailleurs, hein, ceux qui veulent se donner la peine de venir de très loin sont toujours les bienvenus. Donc on a commencé cette émission avec deux chansons. La toute première, c'était Accident Instantané. Donc, Joanne, quand on était venu chez nous le 17 septembre, et il nous avait laissé ce morceau très électronique par rapport à ce qu'il fait habituellement, puisque d'habitude, il vient ici dans les studios avec sa guitare. Et le morceau qu'on a écouté existe aussi en clip. Hein. Je vous demande simplement d'aller le rechercher sur Facebook, par exemple, ou alors sur YouTube, etc. Vous cherchez Accident Instantané. Et le morceau s'appelle Evaporé, E-E-S. Voilà. C'est un morceau très électronique par rapport à ce qu'il fait habituellement, et vous pouvez aussi le retrouver sur d'autres vidéos dans lesquelles il interprète des morceaux comme on a plus l'habitude, donc en acoustique. À l'instant, c'était un artiste, ce sont deux artistes d'ailleurs, hein, c'est un groupe, c'est un duo, ça s'appelle Trans Chacal Express. Ils vont venir très prochainement dans l'émission Mavrika, mais ça sera qu'à partir de 2022, hein, parce que là en ce moment ils sont en tournée, ils ont pas mal de concerts, il y a des enregistrements aussi qui vont se faire, donc on a prévu de les recevoir, mais en attendant ils ont envoyé justement leur album et on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Origine gynécologique du gin. Voilà, ça c'est fait. Ce soir, on a un invité, mais je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on a eu donc la semaine dernière. Il n'y a pas eu d'émission, j'espère que ça vous a manqué un petit peu, non? Bon, bah, si, quand même un petit peu. En tout cas, moi, ça m'a manqué, hein, voilà. Il y a eu, donc, la semaine d'avant, c'était le 24 septembre, on a eu Hervé Deroff. Alors, Hervé est venu déjà 3 reprises ici, parce qu'il habite à Brest, hein, quand même, donc il fait à chaque fois le voyage. Et justement, le 24 septembre, ça s'est pas fait. Voilà, il nous a fait une petite émission. On avait parlé pratiquement 1 heure au téléphone et on avait diffusé donc plusieurs morceaux de son nouvel album. Son nouvel album que vous pouvez donc retrouver sur toutes les plateformes. Alors c'est Hervé Deroff, donc Hervé sans H, hein, tout simplement si vous cherchez. Et puis donc on a partagé tous les liens sur le Facebook de l'émission Mavrika. Je vous demande d'aller regarder tout ça. Et puis justement, continuez d'écouter la musique. On écoutera un petit morceau juste après. Hein. la semaine d'avant, on avait reçu Joanne Contourné, donc ça c'est fait. La semaine prochaine, on va recevoir aussi une personne que je connais depuis pas mal de temps, mais on ne l'a jamais reçue dans l'émission. Cette fois-ci, ça sera chose faite, puisque la semaine prochaine, nous aurons ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Bruno Bauer. La semaine suivante, on va faire une émission un petit peu spéciale. Vous savez qu'il y a d'autres radios qui s'intéressent aussi aux artistes locaux. Et il y a une radio sur blog qui s'appelle Roxette. Et justement, on va avoir une partie de l'équipe qui va nous parler d'une compile, parce qu'il y a une compile qui est sortie. Et vous savez que dans l'émission Mavrica, on a reçu beaucoup de groupes de Blois. Et ça sera justement l'occasion de redécouvrir des groupes qu'on connaît déjà et aussi de découvrir des nouveaux groupes. Ça, c'est très important. Donc, la semaine prochaine, Philippe et Guillaume viendront ici pour faire une émission spéciale compile Roxette. Voilà. Ce soir, il y a un invité, je vous l'ai dit. Il est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il est impatient de commencer à interpréter des chansons puisqu'il a amené sa guitare. Il s'appelle Willy et il est déjà venu dans l'émission. On va en parler juste après. Reste avec nous. On est ensemble jusqu'à 22h et c'est l'émission aujourd'hui numéro 481. Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, quand vous entendez cette petite musique, vous savez qu'on va commencer à discuter avec l'invité. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui est déjà venue en 2013. J'ai partagé les photos il y a pas très longtemps, il y a 2 heures hein, sur le Facebook. Si vous voulez aller regarder, c'était le groupe Black Inside. Et ce soir, nous recevons pour son projet solo l'ex-chanteur des Black Inside. Il s'appelle Willy. Il est là dans les studios. On va le saluer tout de suite. Ça va, Howdy. Oui, très bien, bonsoir. Bon, on va régler les micros. Au début, il y a toujours un petit peu de recherche. Donc, bah, ça me fait plaisir de te retrouver. Et moi donc. Ça me fait très plaisir. Tu étais venu donc en 2013 avec le groupe Black Inside. Oui, c'est ça. On avait formé un groupe de rock. Ouais. Hein, de bon rock. Ouais, du rock qui envoie bien. Hein. C'est ça, du rock qui envoie bien. Et donc, du coup, bah, comme tu le disais, voilà, j'étais le chanteur à l'époque. Et voilà, j'écrivais les paroles et puis voilà, on faisait nos chansons, notre album, et on a vraiment passé un très très bon moment. Je commençais, on va dire. Tu vois, j'avais 45 ans à l'époque et je commençais. Tu as toujours 45 ans. Et j'ai toujours 45 ans. Donc encore, tu m'as fait peur. Voilà, donc dernièrement, ben tu m'avais contacté en me disant, voilà, moi j'ai un petit projet solo et tout ça, voilà, j'aimerais bien aussi le présenter. Je dis, ouais, bon, j'ai écouté. Mm-hmm. Je dis, bah c'est super, bah, formidable. Donc tu connaissais déjà l'émission depuis un certain temps. Bah, tu oui, dis, tiens, maintenant, de temps en temps, oui. Maintenant, j'ai mon projet, j'ai écrit des chansons, c'est toujours toi qui les écris, tu fais les musiques, tu fais tout. C'est ça. Tu les interprètes. C'est ça. Et là, tu t'es dit, tiens, donc tu les as enregistrés aussi, on a des enregistrements qu'on diffuse déjà depuis quelques mm-hmm. semaines, ouais. Entre autres le titre Je suis libre. Mm-hmm. C'est ça. Voilà, donc le petit morceau qu'on a déjà diffusé 3 ou 4 fois, ouais, oui, et ben, ce soir, donc, on va le diffuser à nouveau, hein, ouais. Pour rappeler un petit peu aux gens. Mm-hmm. Et puis en plus, tu as apporté ta guitare, tu vas interpréter des morceaux en direct live. Bah oui, c'est finalement, voilà, c'est une chance de venir ici, de partager tout ça, parce que c'est vrai que faire ses chansons, ses musiques de son côté, voilà, c'est bien, c'est intéressant, mais on a envie de le partager, et bon, voilà, faut se lancer, et donc du coup, j'ai apporté la guitare pour qu'on s'amuse, quoi. Ouais, voilà. On a plein de choses à raconter, donc 3 heures, ça va passer très vite. Hein. Oui. Donc on va raconter un petit peu ton parcours, on va essayer de connaître ton univers à fond. Et puis donc on a parlé du groupe Black Inside, mm-hmm. et je propose qu'on écoute quelque chose. Tu vas voir, c'est une petite surprise. Hein, tu t'y attends vraiment pas. Attention. Alors t'étais venu dans l'émission numéro 140 et quelques. Hein, je me souviens plus si je regarde sur la page Facebook, il y a tout. Nous on conserve tout. Donc attends, je regarde ça. Exactement, c'était en l'émission numéro 148, ouais, sachant qu'on est dans la 481e. Mm-hmm. Il y a un signe là, t'as vu, c'est les mêmes chiffres, mais dans le désordre. Ah oui, j'avais pas fait attention. C'est un signe. Donc, c'était le 26 juillet 2013. Non, mais c'est marrant. Incroyable. Parce que c'est incroyable. Oui, hein. Oui, on avait une chance sur je sais pas combien de tomber sur le même chiffre, mais dans le désordre. Donc, c'était le 26 juillet 2013. Et tu avais fait aussi des interprétations en direct live. D'accord. Ouais, et on les a. Ah, attention. Donc, on va commencer par une chanson qui s'appelle En dehors du rêve. Oui. Tu te souviens de cette chanson-là? Oui, bah oui. Eh ben, on se remet directement, on retourne au 26 juillet 2013 et on écoute tout de suite. En dehors du rêve, le jour se couche tard. Y'a jamais de trêve, la vie est un cauchemar. Y'a jamais de trêve, le jour se couche tard. En dehors du rêve. En dehors du rêve, le jour se couche tard. Y'a jamais de trêve, la vie est un cauchemar. Y'a jamais de trêve, le jour se couche tard. En dehors du rêve. vie est un cauchemar en dehors du rêve. Le jour se couche tard, y a jamais de trêve. La vie est un cauchemar, y a jamais de trêve. Le jour se couche tard. En dehors du rêve. La vie est un cauchemar en dehors du rêve. Le jour se couche tard. Y a jamais de trêve. La vie est un cauchemar. Y a jamais de trêve. Le jour se couche tard. En dehors du rêve, y a jamais de trêve. Ah, tu t'y attendais pas, celle-là. Ah, c'est super. Ça avait été interprété en direct live, hein. Ça a été enregistré dans l'émission. Je regardais les photos en même temps. Oui, c'est vrai que c'est un enregistrement comme ça en live. Quel souvenir. Mais le son, c'est un bon souvenir. C'est un bon moment. Tu peux nous rappeler le nom de tous les artistes qui t'accompagnaient? Alors oui, il y avait Laurent à la basse, il y avait Didier à la guitare, Jean-Luc à la batterie. Voilà. Oui, c'est tout. Hein, de toute façon, vous êtes bien assez nombreux pour faire tout ce bruit-là. Hein. C'est ça. Et quand j'entends la chanson, c'est pas pour rien qu'on s'appelait Black Inside et on avait une petite phrase qui disait que le noir se réveille en toi. D'accord. Voilà. Que le noir se réveille en toi. Oui, je me souviens que tu l'avais dit ça. Ça me rappelle des souvenirs. En tout cas, des très bons souvenirs. Et puis, je regardais les photos. Les photos sont disponibles sur la page Facebook de l'émission Mavrika. Je sais que tu les as partagées aussi. Ouais. Donc, et on voyait, il y avait pas mal de monde à l'époque. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on réunissait pas mal de personnes. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'avec la crise et tout ça, on est 3 personnes. Mais on arrive à quand même à faire des lives. D'ailleurs, tu as porté ta guitare. Il y aura plusieurs lives. Il y a 8 morceaux, je crois, que tu veux nous interpréter en direct. Oui, bien sûr. Alors, des morceaux à moi, puis j'ai fait des petites reprises. Des reprises aussi, oui. Voilà, pour se faire plaisir aussi. Très bien. Donc, le groupe Black Inside, ça a duré jusqu'à quelle date exactement? Je crois que ça a duré 4-5 ans. On allait chez le batteur, hein, parce que souvent on va chez le batteur, parce qu'à chaque fois, il faut qu'il amène sa batterie. C'est lui qui a plus de... plus simple pour faire les répètes. Et donc, du coup, voilà, on se voyait une fois par semaine, je crois, et donc on a vécu cette aventure. Moi, c'est comme je te disais, c'était ma première aventure, et on venait juste de se créer, et on a joué, on a fait un concours sur Paris au Hard Rock Café de Paris. Je me souviendrai toute ma vie de ça, ah ouais. Parce que ça faisait que quelques mois, enfin pas, je sais pas, 6 mois peut-être qu'on avait commencé. Donc on avait déjà travaillé des chansons et tout voilà, il y avait un petit concours et on a été sélectionné. Ouais, on a parce que une, deux chansons. Pour jouer au Hard Rock Café quand même, c'est une sélection, hein. C'est pas tous les groupes qui y jouent, hein. Mais il fallait, c'était un vote sur Facebook, donc on avait demandé à tout le monde de voter sur nous. Ouais, mais je pense que les autres ont fait la même chose, donc après c'est... Et mon premier concert c'était là-bas. J'ai chanté pour la première fois au Hard Rock Café, donc imagine le truc. La classe. Bah je sais, enfin en tout cas c'était un truc incroyable, quoi. Ouais, voilà. Moi je connais pas le Hard Rock Café de Paris, mais c'est un endroit réputé. J'ai jamais été, quoi, personnellement. Ah mais tout le monde le connaît. Il y en a dans toutes les capitales du monde, pratiquement. Exactement. Moi, j'ai eu la chance d'aller à celui de New York, et je sais qu'il y en a à Lisbonne aussi. Il y en a dans toutes les capitales. Et donc, c'est quand même un truc phénoménal. Moi, truc incroyable, j'y croyais pas, quoi. Enfin, je me souviens, à celui de New York, il y avait les guitares de un tel Eric Clapton, il y avait tous les trucs. Là, vous voyez, là, on est vraiment dans l'antre du rock'n'roll, quoi. C'est ça. Au niveau histoire, il y a des photos, il y a plein de choses comme ça, c'est super. On se dit, il y a ces gens-là, ils ont joué là. C'est ça. Sur ces scènes-là. Donc, c'est quand même très bien. Bah, pour un premier concert. Voilà, c'était. Bon, on n'a pas fait ça après. Hein. Après, donc ça dure un certain temps. Et après, tu as arrêté la musique ou comment ça s'est passé? Alors, oui. Ce qu'il y a, c'est comme voilà, comme on vient de l'entendre, c'était très très rock. Donc voilà, c'était super. Mais à un moment donné, personnellement, j'y trouvais plus. Voilà, ce que je voulais vraiment, quoi. Mmh. Et donc du coup. C'est pas simple hein, quand on arrête, voilà, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et donc du coup, après j'ai arrêté et voilà, j'ai joué avec deux amis de temps en temps, on se rencontrait, on s'appelait comme ça les incompris, mais on faisait ça de notre côté et tout, un petit peu, on s'est amusé, mais bon. Quand même, ça m'a fait du bien. Puis je crois que ça m'a permis à ce moment-là, avec ces deux amis, on se voyait de temps en temps, de me dire tiens, pourquoi pas faire mon truc quoi. Mmh. Et voilà, et je me suis lancé et c'est parti quoi. Et donc du coup, je suis très heureux de ça. Parce que ton projet là, il a mûri, il a fallu du temps et tout ça. Oui. Mais il est au point depuis opérationnel depuis combien de temps? Eh ben écoute, on a fait l'album en février. C'est tout récent. Et donc du coup, on a enregistré l'année dernière. Donc avec le Covid et tout, donc c'est pas évident. Donc franchement, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On pouvait pas faire de concert, rien du tout. C'est ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont créé, justement les musiciens, ils se sont dit tiens, on va faire des nouveaux morceaux. Les répétitions c'était un peu compliqué, donc il y avait Internet, heureusement. Mmh. On est quand même à l'ère du numérique, donc ça permet aux gens quand même de continuer à travailler. Et après il y a aussi ceux qui se sont dit tiens, nous on s'enferme dans un studio. Et puis voilà, on enregistre parce que c'est aussi le moment. Hein. Et je l'ai fait avec Bastien C'est je sais pas si tu connais, mais c'est un rappeur et tout. D'accord. Donc il a donc chez lui et tout. Donc on a fait cet album-là. Il a fait un les nom arrangements de studio et tout. Ou... Non, et on a fait ça chez lui et voilà. Donc il a fait aussi tous les arrangements avec moi, tout. Donc voilà, il m'a beaucoup aidé. Hein. Sans lui, j'aurais pas pu faire tout ça parce qu'après voilà, il m'a mis sur au niveau d'internet, au niveau donc sur YouTube. Lui, il était déjà là-dedans, quoi. Ouais, parce que donc il s'occupe des groupes de rap. Alors mais rap, tu... oui, ouais. ou autre. Et puis moi, c'était de la famille d'un ami et tout. Donc on s'est rencontrés, on s'est appréciés. Et puis voilà, on a fait. Ouais, ça c'est important de trouver la bonne personne dans un studio, mm-hmm. parce que bon, il y a un dialogue qui doit s'instaurer. Il faut que la personne qui s'occupe du studio comprenne le musicien. Oui. Ça c'est pas toujours évident. Non. Et il faut aussi l'inverse. Il faut aussi que le musicien comprenne que ce que lui il sort dans sa chambre, on va pas pouvoir le restituer de la même manière. Donc souvent il y a un petit travail. Et puis après c'est pareil, on dépend de la technique. Donc il y a tel micro, tel machin, il faut essayer telle chose. Et voilà, il y a toute une bidouille à faire. Et avant de trouver la bonne personne qui va proposer les bonnes choses, c'est pas toujours évident. Hein. Non, tu as raison de le préciser. Et puis moi j'arrivais, c'était la première fois que je faisais un album. Donc du coup. Il a fallu qu'on se connaisse un peu, qu'on travaille ensemble, tout s'est très bien passé, et puis voilà, c'est le premier album, alors j'espère que voilà, je pourrai en faire un autre, et voilà, il n'y a pas de raison, et voilà, peut-être aussi avec une autre couleur, d'autres choses, donc voilà, c'est de la créativité, quoi, c'est... Donc tout ça est passionnant. Ah ouais, j'imagine bien. Alors cet album-là, il est sorti de manière, il est en solide ou en numérique uniquement? Alors ou... il est qu'en numérique pour le moment. Ouais. Voilà, donc je suis en train de voir ça, mais on peut le trouver sur Deezer, sur toutes les plateformes musicales quoi. Alors quel est le nom de cet album? Il s'appelle Désir. Désir, D-E-S-I-R-S. Et il y a combien de chansons dedans? J'en ai fait 11. Ah ouais, carrément le bon album, quoi. Voilà, c'est ça. Bon... Mais puis des chansons, très très personnelles, comme le premier, quoi. Voilà, des chansons, sur l'amour, sur ma femme. Je suis grand-père maintenant depuis l'année dernière, donc j'en ai fait une sur mon petit-fils. Enfin voilà, donc je me suis sur les gens que tu aimes et pour lesquels tu éprouves beaucoup d'émotions et t'as envie de la partager avec le reste du monde en disant voilà. Tout à fait. C'est vraiment ça cet album. C'est voilà, c'est tous les gens que j'aime, tout l'amour que je peux avoir autour de moi. Donc j'ai voulu l'exprimer en musique. Voilà. Mm-hmm. Ce que je propose, c'est qu'on écoute un morceau, deux morceaux à la suite. Ouais. On fait comme ça. Ouais. C'est des morceaux qui ont été enregistrés donc au studio. Hein, c'est avec, Bastien, avec Bastien. C'est... Et le premier, il s'appelle Chérie. Chérie, c'est ça. Et le deuxième, c'est Je suis libre. C'est le morceau qu'on a déjà diffusé depuis quelques temps. Donc, exactement. Alors, donc, le premier, c'est pour ma femme. Mm-hmm. Voilà. Et le deuxième, c'est un... Voilà, c'est un ami qui m'a parlé que voilà que sa femme était partie, qu'ils se séparaient tout et donc voilà, donc je suis parti là-dessus sur ces deux thèmes. D'accord, ben on va écouter tout de suite les deux morceaux. D'abord Chérie et ensuite Je suis libre. Et c'est notre invité de ce soir de l'émission numéro 481 et c'est notre ami Willy. Écoute battre mon cœur, Coco. Tu entends ? Lorsque je souris, tu es là près de moi. Malgré l'ironie, tu es là près de moi. Alors, merci. Merci, chérie. Lorsque je m'égare, tu es là près de moi. À tous les égards, tu es là près. Faire la belle. Andalouse infidèle. Toi tu es éphémère, impossible et légère. Enfin je suis libre. Deux morceaux à la suite, donc Chérie et Je suis libre. Oui. Voilà, donc tu vas nous parler peut-être un peu de ces deux morceaux-là. On va développer un peu plus parce que tu nous as présenté juste avant. Mm-hmm. Donc le premier, ben il parle justement de ta femme, hein, de ton épouse. On peut le dire. Et c'est vrai que c'est important de dire aux gens qu'on les aime. Hein, ça c'est très. Mais en même temps, comme tu disais, c'est quelque chose de très personnel. Et donc le fait de le chanter devant d'autres personnes, t'as un peu l'impression de mettre ta vie à nu, quoi. C'est ça. Non, c'est un peu ça. C'est un peu. Oui. Mais c'est compliqué, mais au même temps, c'est quelque chose de super, quoi. De. C'est ça. C'est-à-dire que, je sais pas, comme tu dis compliqué, je le ressens pas comme ça. Ouais, compliqué, parce que moi je te dirais aussi, il y a des choses, par exemple, tu vois des gens, tu connais les réseaux sociaux, il y a des gens qui affichent tout et n'importe quoi, et d'autres qui affichent juste certaines choses. Oui. Voilà. Et donc, le fait de tout afficher, c'est quelque chose de, pour certains, ça pose pas de problème, pour d'autres, ça peut déranger, je sais pas. Alors, c'est vrai que quand t'écoutes les paroles, j'affiche pas tout. Oui, ça reste quand même personnel et tout ça, mais. Voilà, mais tu as raison de dire que, ben voilà, de toute manière, quand tu fais tout ça, ou si t'écris, si tu fais les chansons, c'est, il y a des choses personnelles et puis des choses, que tu entends ailleurs, quoi, dans ton métier, avec tes amis, avec les gens, donc, je crois que c'est tout le temps, tout à l'heure, effectivement, je vais faire, une chanson à la guitare, comme acoustique, là, et voilà, c'est, qui s'appelle Viens danser, mais c'est une jeune personne qui me dit, c'est drôle, quand je parle du bonheur, je pleure. Et donc, cette phrase-là me fait faire une chanson. Ouais, mais. Tu vois, donc c'est ça. C'est pas toujours, c'est personnel, mais en même temps, parfois, t'apportes d'autres choses, d'autres, Ouais, mais c'est bien parce que le fait de le dire aussi, la phrase que tu m'as dit là, c'est vrai que même si, il y a des gens qui sont plus sensibles, ils vont pleurer, et d'autres, même s'ils pleurent pas, ils ressentent une émotion et dis oui, c'est vrai que je vais pas jusqu'à pleurer, mais quelque part, oui, c'est quand tu arrives à transmettre une émotion comme ça, c'est quelque chose de formidable. Donc, je suis sûr que ça t'a touché, toi personnellement, parce que et donc t'as voulu voir un peu la réaction des autres personnes, peut-être en disant je vais dire ça, on va voir comment ils réagissent aussi. Ouais. Ah, j'ai trouvé que c'était, puis j'ai trouvé ça beau. Quoi. C'est beau, voilà. J'ai trouvé que quand elle a dit ça, voilà, j'ai trouvé, c'est magnifique. Donc voilà, c'est des choses qui touchent, hein, c'est ça aussi, tu vois, quand tu. Je pense quand tu crées, quand tu fais des choses, voilà, t'es dans l'émotion, tu captes quoi. T'es sensible, tu captes. Et quand tu as écrit cette chanson-là, c'est d'abord la musique qui est venue ou c'est les paroles Oui, mais c'est souvent la musique d'abord. Tu vois, je prends la guitare et puis je laisse aller et puis voilà, si t'as une petite mélodie, etc. Et puis c'est la mélodie m'amène. M'amène les chansons. Donc là, je devais être déjà sur une petite mélodie, voilà, une chanson. Et donc, quand cette personne m'a dit ça, tout de suite derrière, il y a le thème, quoi. Parce que disons que voilà, une fois qu'on a la musique, après, il faut le thème. Enfin, moi, je fais comme ça, je travaille comme ça, je travaille, si je puis dire. C'est une méthode, c'est toujours comme ça, ou d'une chanson à l'autre, ça peut varier? Ah, c'est très, très souvent comme ça. Ça veut dire qu'une fois que j'ai la musique, je cherche le thème. Il faut un thème, quoi. Et une fois que j'ai le thème, après, c'est plus facile d'écrire. Voilà. Mais faut rechercher le thème. C'est ça qui est important. Donc, tes chansons, elles ont un sens. Tu as quelque chose à dire. Tu avais vraiment. Exactement. Voilà, avant même d'écrire le texte, tu sais déjà ce que tu as envie de faire passer à travers les paroles et la musique, quoi. Oui. Voilà. Très souvent, c'est ça. Oui, complètement. C'est exactement ça. Et je pense que voilà, c'est aussi thérapeutique, hein, de faire la musique et d'exprimer plein de choses. Voilà. C'est important de s'extérioriser. Exactement. Quelqu'un qui garde tout pour lui, au bout d'un moment, ça explose. Hein. Il faut un petit peu. À qui le dis-tu? C'est clair. Voilà. Donc. Par rapport à mon métier, je parle pas par rapport à moi. Hein. Bon, voilà. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai que je pose jamais de questions aux artistes que je reçois ici, parce que des fois, effectivement, toi, c'est pas ton métier d'être musicien, tu es musicien parce que tu es un amateur avec un grand A, c'est-à-dire que tu aimes ça, c'est quelque chose, c'est ta passion, on a tous besoin de quelque chose pour, comme ça. Mais tu as un autre métier à côté. Et c'est vrai que moi, quand je reçois les artistes ici, je parle rarement du métier qu'ils font. On a reçu des gens qui, de tous les milieux, et c'est ça que je trouve formidable. C'est que la musique nous réunit tous. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose de, ça parle à tout le monde. Et après, on n'a pas besoin de savoir non plus de quel milieu vient telle ou telle personne. Quand c'est bien, c'est bien. Voilà. Exactement. On aime bien justement quand c'est des gens différents. On apprend beaucoup de l'autre. Hein. Moi, je suis comme ça. Et des fois même, il y a pas très longtemps, on a reçu Blaise, qui venait de la République du Congo. On a passé un super moment. Voilà. On a voyagé. On voyage aussi dans l'émission Mavrika. Donc, à chaque fois, c'est une rencontre. À chaque fois. À travers les musiques et tout ça, on arrive tous à communiquer et ça c'est formidable. Et Je suis libre, là par contre c'est une chanson, il y a un petit côté espagnol. Hein. C'est ça. Alors c'est vrai que, comme je t'ai dit, voilà, je parlais avec un ami, tout, voilà, il rencontre des soucis, donc du coup j'étais parti sur, j'étais parti sur le fait de, voilà, quand quelqu'un nous quitte. La chose, c'est qu'on est libre aussi derrière, même si, tu vois, on est malheureux, même si on croyait l'aimer, même si à un moment donné on se rend compte que finalement on se sent plus libre. Donc c'était le thème. Tu vois, j'avais trouvé mon thème là dedans où j'étais persuadé que même s'il était malheureux, que c'était peut-être une bonne chose, quoi. Il faut toujours regarder. Il y a toujours dans tout ce qui nous arrive dans la vie, il y a toujours un positif et un négatif. Exactement. Et donc après, chaque chose, même chaque erreur, ça nous permet d'apprendre. Donc voilà. Et là, c'est pareil. Donc toi, t'as vu plutôt le côté positif. Oui. Donc en disant voilà, à partir de maintenant, je suis libre, etc. Et puis c'est pareil, la musique entraînante, ça donne envie de danser. C'est un rythme, c'est de la danse, quoi. C'était pas ça au début. Et puis d'un seul coup, je sais pas. Enfin, tu vois, ça vient comme ça, tu sais, d'un seul coup. Au niveau des paroles, voilà, il y a l'Andalousie, les rythmes andalous, et donc après. C'est là où tu vois, et donc c'est ce thème, le thème de je suis libre, voilà, quand la personne me quitte, je suis libre. Et puis il y avait ce thème andalou en même temps qui était là, qui, voilà, elle revient, elle part et tout, puis voilà, puis lui il en a marre, il a plus confiance, et puis voilà, c'est fini quoi. Mais c'est vrai que c'est je pense c'est à la guitare à un moment donné, j'avais pris peut-être un petit rythme andalou. On a mis les castagnettes, je sais pas si tu les entends derrière, et puis voilà, et puis après c'était un petit délire, et puis on s'est amusé là-dessus quoi. Et d'ailleurs toi tu joues de la guitare quand tu t'accompagnes, mais là on entend d'autres enregistrements dans oui. d'autres instruments dans les enregistrements mm-hmm. et les arrangements. Et ça vient d'où ça c'est Et ben ça c'est avec Bastien. C'est Bastien qui les rajoute, c'est des. Voilà, c'est ça, exactement. Donc il a un petit clavier, il rajoute des petits trucs. Tout ouais, à fait. Parce que je me suis demandé, voilà. Et puis la batterie, c'est pareil, c'est une batterie électronique et ou c'est un son ou un. C'est un son. C'est un son. Voilà. C'est un son parce que c'est vrai que c'est. Voilà, moi je fais ça de temps en temps, tu vois. Je peux connaître des gens, mais pour le moment, tu vois. Alors je sais pas si je peux faire un appel, mais je sais. Mais, oui, tu vois, si un jour, il y a un batteur ou voilà un guitariste, une basse ou voilà pourquoi pas faire un groupe. Mais bon, c'est pas facile hein, de trouver toujours. Ah, c'est pas évident. Vois, hein. des personnes moi, j'en connais qui cherchent depuis longtemps et d'autres qui ont trouvé. Donc après, il faut trouver aussi la bonne personne. C'est pas parce qu'il y a un batteur d'un côté et un bassiste de l'autre qui ensemble ils vont aller bien. Non, ils vont se tester. Ça passe pas. Et puis il y en a des fois, c'est ouf. Là, c'est le batteur qu'il me fallait, c'est le bassiste qu'il me fallait. Et puis là, il y a une bonne truc rythmique dessus, un guitariste. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est des rencontres. Et puis il faut pas hésiter à en essayer plusieurs avant de trouver le bon. Hein. Et là, il trouve assez rapidement. Mais c'est bon, vrai, t'as raison. Là, tu me fais pas penser aussi à Mathis Poulain. Je sais pas si tu le connais. C'est un artiste de la région, très jeune. Il est excellent. Moi, j'adore ce qu'il fait. J'ai adhéré dès que je l'ai connu. Je l'ai déjà interviewé à plusieurs reprises. J'ai déjà rencontré plusieurs fois. Et là, dernièrement, il a rencontré un batteur et un bassiste, lui qui est guitariste, chanteur. Et puis là, ça marche, quoi. Ça le fait. Deux excellents musiciens de la région. Donc, voilà, oui, et ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà, donc des rencontres comme ça qui se sont faites. Bah, et magique, moi, je l'ai ça. Reçu ici. Il était tout seul. Il a commencé à jouer tout seul. Puis là, aujourd'hui, il a un groupe des gens qui l'accompagnent. Mm-hmm. Donc ça demande qu'à évoluer. Et puis d'ailleurs, on lui fait un petit coucou à Mathis. Et puis on le recevra à nouveau dans les mm-hmm. studios dès qu'il aura envie de venir, tout mm-hmm. simplement. Voilà. Alors on a parlé un petit peu de ton travail, les enregistrements. Mmh. On va préparer peut-être un petit morceau en acoustique aussi, parce que t'en as quand même plusieurs. Donc on s'est dit, est-ce qu'on garde tout pour la fin, on fait un mini concert, ou est-ce qu'on en fait deux et puis deux. On s'est dit tiens, on va faire comme ça. Voilà. Parce que donc on va faire les petites séries de deux. Bien pourquoi pas. Voilà, c'est ça. c'est mieux. Donc tu as choisi quoi comme morceau pour interpréter, par exemple les deux prochains que tu vas interpréter? Alors les deux prochains, ça va être Viens danser. Mm-hmm. Du coup là où c'est la personne qui m'a dit que c'était drôle qu'elle pleure quand elle parle du bonheur. D'accord. Et puis la deuxième s'appelle Love. Ça parle d'amour et de rencontres, mais de rencontres, on aime aussi l'âme de la personne. Voilà, on n'aime pas que ce qu'elle fait, que ce qu'elle dit, donc il y a autre chose qui se passe dans l'amour. C'est-à-dire que pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un? Et pourquoi pas une autre personne? Donc il y a autre chose qui se passe. Donc voilà, donc j'ai voulu parler un peu de ça. Mm-hmm. Ouais, effectivement. Donc... et puis de la réussite. Moi j'essaie un peu de mettre un petit peu à ta place et tout ça. Et j'imagine, c'est vrai que des fois, on comprend pas. Il y a des gens, on est séduit par des personnes, on sait pas pourquoi. Oui. Et inversement, il y a des gens, ils ont tout pour plaire et ça passe pas. Hein? Voilà, donc il y a des choses. D'un côté, il vaut mieux pas analyser et vivre comme ça, voilà. Profiter quand ça va bien, quoi. Quand ça va bien, voilà. Il faut pas analyser, il faut pas chercher. Et c'est pas toujours logique. Hein. Notre esprit n'est pas toujours logique. Donc, et quand on est bien avec une personne, on est bien et puis c'est tout. Et on essaie de lui rendre l'appareil. Ça, c'est le plus important. Et de penser dans cette chanson Love, de penser que pour réussir, cet amour. Il faut comprendre l'autre au plus profond d'elle, quoi. Mmh. Donc voilà, C'est le thème. C'est c'était mon thème. Donc ça, c'est les deux morceaux que tu vas nous interpréter. Mais ouais. Avant, on va diffuser quand même des morceaux parce que je t'avais demandé de, ouais. De choisir certains morceaux. Donc on les a préparés. Mmh. Le premier que tu as envie d'écouter dans l'émission, c'est Oscar Anton. Oui. Alors pour quelle raison? Déjà, présente-nous un petit peu cet artiste-là. Eh ben, écoute, c'est un artiste que j'ai connu l'année dernière. Mmh. Tu vas écouter, c'est vraiment sa musique me touche, le rythme me touche, la mélodie me touche. Je trouve que tout son album est vraiment top, est vraiment bien. Et donc voilà, donc j'ai voulu. Je pense pas qu'il soit très très connu. Ça commence, hein, je sais que ça commence. Mm-hmm. Et j'ai envie de le faire connaître. J'ai envie de le faire connaître, voilà. Ok, ben je propose qu'on l'écoute tout de suite, hein, comme super. Ça. Donc le titre c'est Ophélie. Ophélie. C'est ça, c'est parti. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. I'm playing back every song I wrote about the memories I have with you. I play it loud, but you never turn around. Yet it's such an easy thing to do. And I don't wanna tell the truth, 'cause nothing's gonna change. It's too late, I'm afraid. And I already fell for you. Our picture's on the shelf, but I'm not happy there. Oh, fail. Why don't you see? I know you think I'm fine, but you never really ask. It's meaningless to say I'm not. And I don't wanna tell the truth, 'cause nothing's gonna change. It's too late, I'm afraid. And I already fell for you. Our picture's on the shelf, but I'm about to say, oh, fairy, why don't you see that I'm in love with someone else? Oh, fairy, why don't you see that I'm in love with someone else? Why don't you see that I'm in love with someone else? Oh, fairy, why don't you see that you should be with someone else? Voilà, donc c'était Oscar Anton avec Ophélie. C'est ça. Super, super morceau en tout cas. Ouais. Super, moi j'ai trouvé que c'est super cool et puis en même temps c'est rythmé, c'est frais. Ouais, c'est frais. J'aime bien ce mot-là. Très bien, bah une grande découverte dans l'émission Mavrica, c'est la première fois qu'on diffuse cet artiste-là, voilà. Super. C'est ce que j'aime aussi, tu vois, c'est que moi j'amène les morceaux, mais il y a aussi chaque invité qui amène aussi plein de choses et des fois ça me donne envie, moi chez moi, je recherche un petit peu les artistes. Tiens, il a passé tel truc, c'était pas mal, je vais réécouter. Donc j'espère qu'on va donner cette même envie aux auditeurs de faire des recherches et de pas écouter bêtement ce qu'on leur diffuse, hein. Mm-hmm. Même si dans l'émission Mavrica ils peuvent quand même nous faire confiance, hein. Ça oui, c'est mais mais c'est vrai que d'autres radios, hein, les radios commerciales, c'est ce qui rapporte de l'argent, il faut savoir, c'est l'argent qui gère tout ça. Nous on fait ça pour notre cœur, pour la passion. Donc c'est ça, c'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Tu dis qu'on a du cœur, enfin que, voilà, mais voilà, on connaît ton cœur, ton grand cœur depuis toutes ces années, et bah, je tiens encore à te remercier de voilà tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Moi, c'est vraiment un plaisir de recevoir plein d'artistes. Et je suis content à chaque fois que les artistes reviennent. Parce que toi, tu n'avais pas oublié l'adresse de la maison. Ah bah non. Et tu reviens avec ton nouveau projet. Donc, on a découvert deux morceaux jusqu'à présent. Mm-hmm. Donc, après, tu vas nous en interpréter deux autres. Mais avant, on s'écoute encore un petit morceau. Ouais. C'est encore une sélection. C'est encore un morceau que tu as choisi, toi. Oui. Alors là, c'est espagnol. Oui. C'est un morceau que moi je connais depuis très très longtemps. Ah, d'accord. Ouais, Jarabe de Palo. D'accord. Voilà, c'est le sirop de bois. C'est, et toi, tu le connais depuis longtemps. D'accord. Oui, oui. C'est quand même des. Bah, disons que moi, j'ai l'avantage, c'est que je connais un petit peu les artistes espagnols, etc. Ouais, vrai, et en plus, cette chanson-là, elle avait eu beaucoup de succès, hein, quand elle est sortie. Oui. Alors, je dirais pas quel âge elle a. Elle a bien 10 ans, même plus peut-être. Je sais plus exactement. On pourra chercher. Alors, le morceau que tu as choisi, c'est La Flaca. Et je propose que les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel l'écoutent. Oui. Moi, ça me fait plaisir de voir, parce que quand tu m'as donné la liste de tous les morceaux qu'il fallait rechercher, eh ben, je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ouais, c'est bien, et ça fait plaisir de réécouter ce morceau-là. Ben, on écoute tout Super. De suite, alors. C'est parti. Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engañe. Cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene. Fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Voilà, Jarabe de Palo, La Flaca. Donc c'est un morceau, on avait dit au moins 10 ans. Bah, il a 25 ans. 25 ans, 1996. Donc on l'a recherché, on reste pas les bras croisés dans l'émission Mavrica. Dès qu'on parle de quelque chose, on essaie de savoir. Voilà, c'est bien d'apprendre et puis aussi de le dire à nos auditeurs. Voilà. Donc un superbe morceau. Hein. C'est vrai que c'était un groupe qui était apparu avec. Il avait eu du succès avec cette chanson-là directement. Et depuis, c'est vrai qu'on n'entend plus parler. Je ne sais pas s'ils ont continué quelques années ou pas. Si, ils continuent. Mm-hmm. Ils continuent encore. Oui, d'accord. Crois, hein. Et voilà, bah, c'est vrai que. C'est... Et toi, tu as connu comment ce groupe espagnol? Ah, écoute, en Espagne. Non, même pas. C'est cet été. C'est d'accord. Pour te dire, ça fait pas longtemps. C'est un copain qui m'a fait écouter ça cet été. Et voilà, et on écoute plein de choses, mais alors là, ça m'a accueilli, et ça s'explique pas, hein, comme on disait tout à l'heure, ça touche ou pas, hein. Ouais, et puis c'est vrai que, en plus, sur Radio Arc-en-Ciel, il y a plein d'émissions différentes. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une émission de rock espagnol. Parce que c'est vrai que il y a plein de groupes moi que je connais comme ça, pas plus que ça. Parce que bon, moi je les écoute pendant l'été, des choses comme ça. Mais j'aimerais bien écouter plus régulièrement. Il y a énormément de bons groupes. Et c'est vrai que pendant un moment en France, on n'écoutait pas les musiques espagnoles. Non. Et depuis un petit moment, de plus en plus avec l'Amérique du Sud, avec les Américains qui eux-mêmes écoutent de la musique latino de plus en plus. Hein, parce qu'il y a des villes, qui jusqu'à présent l'anglais était dominant. Il y a des villes qui sont plus parlées en espagnol. Où on parle plus l'espagnol que l'anglais. Hein. Il y a des villes qui ont basculé, surtout dans le sud des États-Unis. Donc de plus en plus, on écoute cette musique espagnole, même dans les radios, voilà, on allume la radio, on écoute pas mal de trucs comme ça. Donc c'est bien de découvrir tous ces musiciens. Il y en a des excellents. Et donc là, ça me fait plaisir de diffuser justement Jarabe de Palo, voilà. Comme quoi. Hein. Et puis forcément, ça arrive à toucher, même je sais pas si tu comprends toutes les paroles et tout ça, mais non, mais bon, le rythme c'est sympa, c'est cool. Et moi ouais, c'est le rythme qui change, la petite guitare derrière, le petit frein, ça fait penser à l'été déjà, quelque part. C'est un peu frais comme Oscar Anton, c'est frais aussi. Bah, très bien, en tout cas, ça fait plaisir d'écouter ce morceau là. Et puis il y en a encore d'autres à découvrir. Tu as aussi 8 morceaux interprétés. Oui. Donc il y aura 4 séries de 2. Oui. On a décidé ça comme ça. Il nous reste 2 heures. Donc ça va être 4 par heure. Ouais. Donc je propose que tu te mettes en place et que tu commences à nous interpréter 2 morceaux alors. OK. Les 2 morceaux que tu nous as présentés tout à l'heure. D'accord. Bah vas-y, prends ta guitare. Donc puis je vais chercher ma guitare alors. Ouais, vas-y. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu le préparer, mais là on est en direct live. Willy est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il a apporté sa guitare tout à l'heure avant de prendre l'émission, il a déjà commencé à écouter un peu l'acoustique de la salle, parce que tout ça c'est important, hein. Et puis interpréter des morceaux, et puis là ça va être à toi en direct live. Super. Donc je vais arrêter la petite musique de fond, on va voir, gratte un petit peu ta guitare pour voir si, voilà, je vais régler un peu les niveaux aussi, hein, et puis après voilà, un petit peu plus fort, je vais baisser un petit peu ton micro parce que tu vas chanter, donc forcément ça sera un peu plus fort. Oui. Et puis, à partir de maintenant, l'antenne est à toi, 96.2 MHz, Radio Arc-en-Ciel. Tu pleures quand tu parles, Bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Willy qui nous interprète la première chanson. Et puis là, on enchaîne sur une deuxième. Okay. C'est parti. Bravo! C'était pas fini? Si. Ah bon, encore, j'ai eu peur. je me suis dit, ça se trouve, j'ai interrompu à un moment où il fallait pas. Parce que, moi, je découvre les morceaux, hein. Donc, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, superbe interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Willy en direct, hein. Voilà, c'est vraiment du direct, hein. C'est pour ça qu'on triche pas. Bon, je remonte un petit peu ton micro parce que comme tu chantais, D'accord. Voilà. Non, ça, on triche pas, là. Là, on triche pas. Il y a pas de vocodeur, il y a pas de, il y a pas de, de bande. Hein. C'est vraiment, tu interprètes les morceaux avec ta guitare, la guitare dans le studio. On est tous les deux dans le studio. Là, on est tranquille. Hein, en c'est même vrai. Temps, on est dans l'univers. On est dans l'univers de Willy, celui que tu veux nous faire partager ce soir. Qu'est-ce que tu rassures, franchement? On a l'impression d'être chez nous. Au début, c'est vrai que les gens, ils arrivent ici, ils commencent à regarder un peu les locaux et tout ça. Bon, toi, tu le connaissais déjà un petit peu, donc ça va un petit peu plus vite. Mais au début, même moi, je vois certains, des fois, ils ont du mal à chanter tout ça. Et au bout d'un moment, on sent un peu chez nous. Radio Arc-en-Ciel, c'est un peu ça aussi. Hein. Ouais, donc c'est un endroit. J'imagine même pas, j'ai même pas compté, mais combien de personnes j'ai invitées dans les 481 émissions que j'ai réalisées jusqu'à présent. Donc il y en a pas qui, sachant qu'à une époque aussi, on était très très nombreux dans chaque émission. Donc on a reçu des groupes avec les groupies et tout ça qui venaient aussi. Donc et puis il y avait aussi des gens qui venaient, ils connaissaient l'émission, ils étaient venus dans découvrir un groupe et puis après ils revenaient dans découvrir un autre et tout ça. Donc c'est vrai que l'émission Maverica, c'est un forum dans lequel on a reçu plein d'artistes. On a fait aussi se rencontrer pas mal de gens. Il y a plein de projets qui ont abouti justement parce que les gens ils se connaissaient pas forcément. Il y a beaucoup de musiciens sur Orléans et ailleurs et ils se connaissent pas forcément. Et le fait d'écouter l'émission Maverica, ça permet aussi de dire tiens j'aime bien ce que tu fais, on ferait bien quelque chose ensemble. Et ou alors non j'aime pas ce que tu bon. Ça peut être constructif aussi, mais bon, on en avait parlé. Bon, je sais que notre ami Michael, lui, il aime bien qu'on lui dise qu'on ne sait pas bien. Moi, je préfère le garder pour moi. Quand j'aime, je le dis. Quand j'aime pas, je préfère me taire. Voilà. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport à Black Insight, c'est quand je donnais les noms. Ouais. Il y a après, quand il y a un moment donné, il y a Didier qui est parti et il y a Mika. Oui. Qui est venu nous accompagner. J'ai oublié de citer tout à l'heure. Mais voilà. Voilà. Tiens, j'ai aussi des petits trucs. C'est que Mika fait partie du groupe Summer Chain. C'est ça. Et ils m'ont envoyé trois morceaux en exclusivité. Donc on est les seuls à les avoir pour l'instant. Je propose qu'on les écoute tout à l'heure parce que bon, il va falloir que l'on diffuse aussi dans les prochaines émissions. Il faut. On va caler ça. On va essayer de voir. Parmi les morceaux que tu m'as envoyés, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as envie d'écouter justement Alors. Qu'est-ce que je t'ai envoyé? Ah oui, je t'ai envoyé Gaëtan Roussel. J'entends des voix. J'entends des voix. Voilà, c'est ça. Et puis Assaf Avidan aussi. D'accord. Bah, on les écoute les uns à la suite des autres. Si tu veux. Tu veux nous en parler un petit peu si Gaëtan veux. Roussel, c'est Louis Attaque, hein, c'est la voix de Louis Attaque, hein, on l'a découvert comme ça. Et comment dire, Gaëtan Roussel, c'est vraiment c'est une inspiration quoi. Enfin j'adore tout ce qu'il fait j'adore vraiment tout ce qu'il fait. Il a une manière de chanter. Moi j'ai écouté certaines chansons, les phrases sont pas compliquées. Mais alors il a un décalage. Moi je vois il chante pas pile poil le truc, c'est un petit peu avant, un petit peu après. Il met une intonation sur un truc, il en met sur une autre. Et j'y mets, la phrase musicale c'est la même. Mais il te chante une chanson comme ça, tu dis, mais à chaque fois, il a innové, il a fait un truc différent, il a une respiration. Non, franchement, on l'avait comparé beaucoup au départ avec Jacques Brel. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Après, c'est pas forcément une copie conforme, mais il a vraiment du talent pour interpréter des. Bien sûr, et puis je crois que c'est que ce qui est compliqué, c'est d'être simple. il est lui-même. Oui, non, mais c'est vrai. On cherche toujours à être quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est comme on tout. On cherche à imiter des personnes. Et comme il y avait un truc, il dit, il faut chercher d'être soi-même parce que tous les autres sont déjà pris. Tu connais moi je trouve ça c'est formidable. C'est vrai que des fois, soi-même, on peut être très intéressant pour les autres aussi. Il faut pas chercher forcément à ressembler à quelqu'un. Voilà. Donc, et lui, c'est vrai que c'est un ovni quand il est arrivé avec Louis Attaque. C'est vrai. Je t'emmène au vent. Voilà, dans cette chanson-là qu'on écoute. D'ailleurs, elle est toujours pas enterrée. On continue à diffuser dans les radios et tout ça. Ça revient régulièrement parce que bon, c'était. J'ai failli te la donner celle-là aussi. Bon, bah, après il y avait d'autres. Oui, et puis celle que tu as choisie est très très jolie aussi. Et puis je propose qu'on l'écoute tout de suite. Alors, c'est parti. On écoute. J'entends des voix. Gaëtan Roussel. J'entends battre mon cœur,

Voilà, on aime bien écouter les chansons jusqu'à la dernière note. Et donc, Gaëtan Roussel avec J'entends des voix. Et à l'instant, c'était Assaf Avidan. Ouais. Là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. On entend les grandes orchestrations. Avec, ça me rappelle un peu les grandes chanteuses d'une certaine époque. Mais c'est là, un en chanteur, plus, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Le truc qu'il dit là, c'est que ça me rappelle les chanteuses. Parce qu'elle a une voix pratiquement très aiguë, très féminine. Ah oui, ça me rappelle un peu les chanteuses noires du blues, de la soul et tout ça. Voilà, c'est ce que ça m'a inspiré. Après, effectivement, aujourd'hui, c'est avec les techniques d'aujourd'hui, donc le son est excellent, c'est super bien. Et ils ont quand même rajouté le petit crachotement des disques vinyles. Je sais pas si tu as fait attention. Il y a ce petit détail qui fait qui nous ramène un petit peu à cet univers-là. Donc, super morceau qui s'appelle Lost Horse. C'est de son dernier album voilà, c'est un de mes artistes préférés. Et quand il passe en concert, on y va toujours, quoi. Enfin, on est vraiment, d'accord. Bon, en tout cas, c'est un super moment. Ouais. Moi, je sais que j'ai été juste avant, c'était vachement bien. Ouais. Et après, il y a eu ça, et je crois que j'ai pris encore une claque. Hein. Ça touche. Ça là, touche. On parlait d'âme sans être mystique, hein. Mais lui, il touche. Enfin, quand on aime, il touche au plus profond. D'accord. Hein. Ben, tu vois, moi, je connaissais déjà un petit peu et tout ça, mais là, ça va me donner envie de découvrir un peu plus. Voilà. J'espère qu'on a donné cette envie là aussi à tous les auditeurs, hein. On salue tous les auditeurs, tous les gens qui nous écoutent régulièrement. Et voilà, deux morceaux que tu as choisis et qui avaient plein d'émotions. Donc merci pour ton choix. Il y en a encore d'autres, hein. Donc on a plein de choses encore à faire et il y en a plein de choses à discuter. Bon, là on a laissé un peu la place à la musique, mais j'ai envie de te poser quelques questions aussi. Par exemple, là tu as donc sorti un album, et on peut le télécharger sur internet dans pratiquement toutes les plateformes, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que derrière il va y avoir des concerts, est-ce que des clips, voilà, est-ce qu'il y a d'autres projets? Parce que là il y a la musique, elle est là. Est-ce que tu vas le défendre cet album là sur des scènes ou pour l'instant c'est un peu tôt avec la pandémie? Le Covid ça a arrêté pas mal de choses aussi et t'as raison, c'est ce que voilà, faut le partager quoi. Si tu partages pas voilà, c'est pas pour faire que dans son coin. Donc ouais, après, déjà ce soir à la radio, hein, voilà. À la radio, donc il y a des gens qui nous écoutent. Et puis après, est-ce qu'il y a des concerts de prévu ou pas encore Alors c'est prévu dans ma tête. Donc, mais bien sûr que oui, j'en ferai. Et oui, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de mon projet, de ma passion, et voilà, faut y aller quoi. Enfin voilà, moi je suis un peu comme ça, donc c'est vrai que quand on a un projet, quand on a voilà, si les calculs, moi j'ai plus de 50 ans, donc du coup voilà, il faut y aller. On n'est pas là pour oui, après il faut faire les choses et on sait que on pourra pas plaire à tout le monde. Voilà. Je pense, je me mets à la place d'un artiste. Moi j'ai envie de sortir un truc. Je sais que bon, mais à la limite c'est tellement moi que même si c'est pas dans l'air du temps, même si c'est pas dans le machin, il y a des gens qui vont se reconnaître. Et à la limite, il y en a certains qui vont adhérer vraiment. Et voilà, moi je trouve que ça vaut le coup de faire un truc comme ça, même si demain tu passes pas dans toutes les télévisions. Bon, mais peut-être ça va arriver. C'est hein, pas je le sais projet. Pas. Le fait de savoir que tu as touché quelques personnes qui viennent te voir à la fin d'un concert. Parce que voilà. Moi je dis aux gens, quand vous allez au concert, écoutez la musique, vous voyez les artistes, ils sont devant vous, ils interprètent les morceaux avec leur cœur et tout ça. Et à la fin du concert, n'hésitez pas, si vous avez aimé, d'aller les voir, donc parler un petit peu avec eux. Et là, je sais que ça fait beaucoup plaisir aux artistes parce qu'il y a des gens qui viennent les voir, on dit ouais, j'ai bien aimé ça, etc. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé avec Black Inside quand on était avec le groupe et on a fait pas mal de scènes et c'est vrai que ça c'était un bonheur de partager ça et d'avoir donné une émotion parce que comme tu te dis, on en parlait tout à l'heure aussi, mais c'est vrai que c'est de créer l'émotion quoi, c'est ça qui, enfin je pense dans l'art, en général, oui. En ça, général, ça peut être un tableau, ça voilà, peut être une musique. Moi, je trouve que ça se construit toujours plus ou moins pareil. Même si ça s'active pas les mêmes sens. Mais les deux peuvent, moi, j'aime bien associer aussi les couleurs avec de la musique. Et par exemple, moi, j'ai une question que je posais très souvent à une époque. Aujourd'hui, je la pose peut-être un peu moins, mais je vais te la poser ce soir. C'est quelles seraient les deux couleurs qui illustreraient le mieux ton univers? Les couleurs. Ouais, les couleurs, vraiment les couleurs, le rouge, le bleu. Alors comme ça, ce qui me vient, c'est le vert. Le vert. Et le orange. Le orange, le vert et l'orange. Alors, voilà, il y a peut-être qu'est-ce une raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Ah, tu sais pas. C'est des couleurs qui te viennent comme ça. C'est des couleurs qu'on retrouvera peut-être sur une pochette d'album, sur une affiche, sur. Peut-être. Ouais. Oui, c'est vrai que le orange. Voilà, j'ai toujours aimé le orange et peut-être le vert. Comme tu me demandes ça, ce qui m'est venu, c'est voilà tout ce qu'on entend au niveau de notre planète et de tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que tout ça, ça touche aussi. J'ai pas fait de chanson là-dessus, mais voilà. Peut-être une idée pour une prochaine chanson, peut-être. Pour un prochain album aussi. Hein. Voilà. Comment ça se passe? Tu composes constamment? Est-ce que quand tu enregistres des chansons, tout ça, t'as déjà d'autres chansons qui sont en travaux? Ou est-ce que tu te poses pour écrire et après tu défends ces morceaux et après tu recommences? Où est-ce que ça se fait constamment? Il y a des artistes qui ont toujours envie de créer. Il y a des idées qui arrivent, qui commencent à travailler pour le prochain, même s'ils sont encore en train de défendre un album. Je sais pas comment tu fonctionnes, toi. Donc oui, c'est toujours, mais tu sais, ça se fait, je laisse venir. Je veux dire que je calcule pas trop tout ça. Et, t'es pas encore ton producteur te force pas pour produire un album en janvier quoi tout. Par exemple. Et par contre, alors bon voilà, certainement voilà, il y en a qui me connaissent et qui écoutent ce soir et moi je peux être un lefto et j'ai toujours été le matin. D'accord. C'est le matin que voilà, si je prends la guitare et je sens que j'ai envie d'écrire quelque chose ou de jouer quelque chose, en général c'est le matin. D'accord. C'est 5h du mat, quoi. Ah ouais. Parce que moi je connais beaucoup d'artistes, c'est surtout le soir. Voilà. Alors tu sais quand la grande majorité même, je dirais, parce que moi une fois j'avais une conversation comme ça, tu sais que avant de faire les émissions, j'aime bien contacter les gens, s'ils ont des questions à poser, on s'appelle et puis on discute. Et c'est vrai que moi j'aime pas déranger les gens à partir de 20h. Je me dis à partir de 20h, les gens ils sont un peu dans l'intimité, ils sont dans leur famille, ils regardent un film ou un truc comme ça. Donc avant je le fais. Après, j'hésite un peu. Et une fois, il y avait un artiste qui m'a dit, mais attends, les artistes, ils se couchent jamais tôt, donc tu peux nous appeler à n'importe quelle heure. Moi, j'ai vu des conversations à minuit, on était au téléphone, on discutait. Donc, et toi, c'est un peu étrange, toi, c'est le matin. À minuit, je dors. Bah oui, en même temps, si tu lèves tôt, comment tu veux? Voilà, moi, c'est le matin, mais ça a toujours été pour tout. Ben voilà, c'est. J'ai l'impression que mon cerveau est bien reposé. C'est on a tous un rythme différent. Ouais. Mais tu sais que les concerts, ça a lieu souvent le soir. Hein. Eh oui, c'est ça. Ça va être compliqué pour toi. Problématique, à moins que je lance le truc à 5h du mat, mais je sais pas si. Ou alors avec le décalage horaire par rapport à d'autres pays, quoi. Voilà, il y a des choses à trouver aujourd'hui. C'est pas le projet non plus, mais bon, on verra bien. Donc des concerts. Plus tard, donc dès que ça se éclaircira un petit peu au niveau de la pandémie, je pense. Ouais, c'est ça que faut se préparer. Il faut parce que on s'aperçoit que finalement quand on fait tout seul, il faut bosser, il faut assurer, quoi, parce que voilà, c'est du boulot et de la responsabilité, quoi. Alors, pour les concerts, on a vu. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est très associé avec l'audio, avec la vidéo? Est-ce que tu voudrais faire un clip ou quelque chose comme ça? Oui. Que j'aimerais faire ça? Oui. Ouais, donc, que ça tu partagerais tu as un Facebook. Oui, tu as une chaîne YouTube aussi? Alors, non. Non, pas encore. Pas encore. Je sais que tu as des chansons à toi sur YouTube déjà. Oui, tout à fait. Mais c'est donc, pas une chaîne, pas parce que chaîne. Voilà, c'est mis, parce que c'était mis sur toutes les plateformes, donc sur YouTube. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, aller jusqu'au bout, de faire un clip, ça doit être amusant de faire ça. Parce qu'il faut être aussi exigeant, donc mais ça va se faire. D'accord, il y a un titre déjà que tu as choisi pour... Pas encore, non. Tu ne sais pas lequel, il n'y a pas des images qui te sont venues sur certains? Si, mais il y en avait tellement que... il y en avait un qui, sur une chanson, mais je ne l'ai pas là, sur une chanson... c'était sur Je suis libre. C'est vrai, c'est celle qu'on a écoutée tout à l'heure. Et j'avais des images, des idées, etc. Mais bon, après, il faut trouver le moyen de le faire, le moyen de... de le préparer, de... Ah, parce voilà. qu'un clip, c'est très compliqué. Hein. C'est, alors déjà, il y a le son, tu l'as déjà. Donc, ouais. Je pense que tu prendras le même son de l'enregistrement. Après, il faut peut-être aussi rajouter quelques sons aussi de la vie hein, qui ouais. s'intègrent au clip. Hein. Ça se voit souvent, hein, les petits bruits de voiture, par exemple, un truc comme ça, et puis derrière, on enchaîne. C'est ça. J'ai et, pas puis trouver, et puis de trouver, et après, une, trouver les, une bonne histoire. Enfin, la bonne histoire. Et la manière de les montrer, parce que c'est vrai que quand c'est une vision d'un vidéaste, d'un photographe, les plans, c'est tout ça, c'est la technique. Hein. Et c'est après, il n'y a pas que ça, il y a le montage, il faut que tout ça soit bien réalisé. Donc ouais, c'est génial. C'est bon, beaucoup de travail aussi. C'est hein. ça. Donc il faut s'entourer des bonnes travail, personnes. Je pense un peu de sous. Oui, aussi, bah oui. Bah... Mais ça va se faire, ça va se faire. Donc, mais comme je t'ai dit, voilà, moi je prends mon temps, je... Il y a des rencontres qui se font. Je pensais pas qu'il y a deux ans que je ferais tout ça. Donc voilà, il y a des rencontres, il y a des choses. Porté, hein. Voilà, avec quand même une volonté. Oui, oui. Avec une volonté de faire quelque chose, mais faut être à l'affût des rencontres et de ce qui peut se passer, quoi. D'accord. Bon, on attendra le prochain clip. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Je sais pas, une tournée internationale. Non, ça non. En Espagne. Alors, ah, c'est peut-être l'occasion. Ouais, mais c'est vrai que après, voilà, c'est joué. Moi, je suis de La Rochelle, de l'île de Ré. D'accord. Donc, c'est peut-être, voilà, tu sais, les étés, faire des petits bars pendant les vacances, tu vois, des choses comme ça, où il y a une ambiance vacances, quoi. Je crois que ça me plairait, ça. Et donc voilà, après les scènes, tu vois, les scènes, après, c'est... Voilà. Ah, c'est pas évident, hein, sur une grande scène avec un artiste tout seul, il y en a qui le font très bien, hein, c'est vrai. Oui, mais moi, j'imagine, oui, c'est le métier. Ça doit pas être évident. Hein. Ah, oh, ben, il y en a certains, ouais. On parlait tout à l'heure de Mathis Poulain qui... Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vu tout seul, je sais pas, il arrive à mettre les gens, voilà, ils sont dans l'émotion, et puis voilà, on sent plus le temps passer, on est dans son univers. Et, voilà, il y en a beaucoup, hein, il y en a d'autres, hein, c'est le premier qui me revient. Écoute, si je peux faire ça un jour, ça serait super. Voilà, moi je pense aussi à une autre personne que j'adore, hein, il le sait très bien, c'est Mourad aussi. Est-ce que tu connais Mourad? Il a des très belles paroles et tout ça, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais il y en a plein, voilà. Donc voilà, tout seul sur une scène, c'est pas évident, mais il y en a qui le font très bien. Hein, voilà, c'est faut oser, ouais. Puis en même temps, quand tu aimes ce que tu fais, tu as quelque chose à proposer. Je pense que c'est le coup d'y aller, et après ça doit y aller tout seul. Il doit toujours y avoir le track avant le monter sur scène, et après je pense que une fois qu'on est parti, c'est ça avec Black Inside quand on faisait plein de scènes. C'est ça au début, on avait un peu le track, c'est normal. Ouais. Mais bon voilà, moi je fais ça pour m'amuser, donc le. Et puis après, c'était parti, quoi. Une fois que c'est parti, qu'on est dedans, voilà, quoi. On laisse place à l'émotion, on laisse place. Mais c'est vrai que quand t'es tout seul, il faut laisser place à l'émotion. Mais dès que t'es trop dans l'émotion, si c'est trop, si c'est pas bien maîtrisé, on peut perdre le fil de la chanson, des paroles, ou... Et puis bon, après, c'est peut-être parfois ce qu'il y a de bien. Ouais. Ouais. Et puis, dans un groupe, c'est pareil. Il y en a un qui se plante un petit peu, l'autre, il rattrape, et hop, ça, voilà, on couvre le... C'est là, ça. Là, t'es tout seul. Là, c'est sans filet. C'est sans filet. Très bien. Tu veux nous interpréter deux autres morceaux, alors? Alors, oui. Ouais. Alors, le premier morceau, ça s'appelle Les Blessures. Ouais. Voilà. Et puis, le deuxième morceau, ça s'appelle... Alors... Les Blessures, c'est un de l'album. Et puis, donc j'en ai fait un nouveau. Hein, que je vais faire ce soir. C'est je vois tout et son contraire. D'accord. Voilà, ça sera le deuxième morceau. Et donc voilà, donc je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Donc je vais te laisser les interpréter. Puis voilà. Après, tu nous expliqueras. Okay. Voilà, tu nous parleras des morceaux. Voilà, l'antenne est à toi. Aujourd'hui, c'est ton émission. L'émission numéro 480. Hein, et 481, c'est une émission, hein, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc, et puis aujourd'hui, donc c'est Willy, hein, je rappelle. Alors, depuis le début, on le dit, pour les gens qui voudraient chercher le nom, c'est W... Y. Deux L I. Deux L I. Voilà. Alors que mon vrai prénom, c'est le... Tu as inversé. C'est voilà. W-I, deux L Y. Voilà. Parce que je pense que des Willy, il y en a énormément. Donc le fait d'inverser, ben, il y en a beaucoup moins. Il y en a peut-être un peu moins, oui. Ouais, donc voilà, voilà on te trouvera plus facilement. Puis j'ai trouvé ça, voilà. Ouais, ouais, c'est sympa, c'est une manière de se démarquer aussi. C'est ça. Donc, je vais baisser la musique de fond, et puis à partir de maintenant, bah, l'antenne est à toi. Deux morceaux en direct live sur Radio Arc-en-Ciel. Allons au plus profond de nous-mêmes, dans les ombres et les ténèbres, n'ayons plus peur d'elles. Bravo, jusqu'à la dernière note sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission dans laquelle l'invité de ce soir, c'est Willy. Il est là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, c'est le troisième morceau. On va écouter le quatrième, donc, à la suite. C'est parti. Oh, je vois la haine, je vois l'amour, je vois les nuits, je revois le jour, je crois te voir toi. Je vois les peurs, je vois les rires, je vois l'ennemi, je revois l'ami, je crois te voir toi. Je vois la terre, je vois la mer, je vois demain, je revois hier, je crois te voir toi. Je vois le faux, je vois l'honnête, je vois mes biens, je revois mes dettes, je crois te voir toi. Je vois tout et son contraire, que vois-tu en moi? Je revois tout et tout est clair, est-ce que tu me vois? Je vois tout et son contraire, je vois tout et son contraire. Oh, que veux-tu de moi? Je serai tout aussi sincère. Oh, je vois le noir, je vois le blanc, je vois le petit, je revois le grand, je crois te voir toi. Oh, je vois le mal, je vois le bien, je vois de près, je revois de loin, je crois te voir toi. Je vois le gris, je vois le soleil, je vois le stress, je revois le zen, je crois te voir toi. Oh, je vois le faible, je vois la force, je vois les anges, je revois les crosses, je crois te voir toi. Je vois tout et son contraire, que vois-tu en moi? Je le vois tout et tout est clair, est-ce que tu me vois? Je vois tout et son contraire, je vois tout et son contraire. Que vois-tu de moi? Je serai tout aussi sincère. Deuxième morceau de cette deuxième série. Donc, tu veux nous parler un peu de ces morceaux. Par exemple, celui-ci, il s'appelle Tout et son contraire, c'est je ça? Je vois tout et son contraire. Je vois tout et son contraire. Donc, j'ai demandé d'en parler un petit peu. Alors, le thème. Si on revient au thème. Effectivement, c'est les personnalités, toutes nos personnalités. Comment dire, on a notre côté lumière, on a notre côté sombre. Et ça me rappelle une chanson que je diffuse assez régulièrement. D'accord. Et on en parlera tout à l'heure. Ouais. Vas-y, continue. Et donc, du coup, voilà, et toujours le couple, hein, finalement, l'amour, le couple. Il y a beaucoup de chansons autour de ça. Hein. Et donc, voilà, c'était le thème de départ. Et finalement, tout est comme ça. Il y a la haine, il y a l'amour, il y a la nuit, il y a le jour. Donc on est dans cette dualité, on est dans cette. Et je crois qu'il faut, comme je dis dans le refrain, voilà, c'est ce qu'il faut accepter aussi chez l'autre, chez nos amis, chez tout le monde, quoi. Tous nos côtés, quoi. On n'est pas parfait, et je crois que. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire dans cette chanson où je dis tout et son contraire et finalement, voilà, comme je dis, on est aussi sincère. Ouais, mais c'est bien ce que tu dis, ça me rappelle, je vais te le dire, c'est notre ami Sadou qui était venu il y a quelques semaines ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui a une chanson que c'est « On a tous un côté pile, un côté face ». Un côté speed, un côté je me souviens plus, un cool, un côté fast. Et donc il explique les deux, on a tous ce côté-là. Et même des fois nous-mêmes on est surpris, hein, parce que des fois il y a quelque chose qui va pas nous toucher à un certain moment, qui va nous toucher à un autre moment. Il y a des fois aussi où on a envie de beaucoup de parler, des fois on n'a pas envie, des fois on a envie d'écouter de la musique douce, des fois de la musique forte. Et donc il faut savoir que nous on est comme ça. Les gens, on a du mal à se comprendre soi-même. Mmh. Donc, il faut en plus comprendre les autres qui, eux aussi, sont comme ça. C'est ça. Et voilà. Et donc, parfois, ça... C'est pour ça que c'est difficile parfois de bien communiquer, de bien se comprendre. Ça peut être difficile et il y avait aussi quelque chose qui disait, c'est qu'on aime vraiment quelqu'un qu'on aime même ses défauts. Voilà, c'est vrai bien que sûr. Voilà, donc il y a des petits défauts, on a tous des petits défauts, heureusement. Sinon on serait tous pareils sur le même moule. Donc on a tous des petites différences. Si on n'aime pas les défauts de l'autre, ça veut dire qu'on peut pas aimer certainement quelqu'un, son conjoint et puis nos amis. Bah oui, parce qu'il y a toujours des choses qui... Mais bon, il faut aussi préserver aussi les autres personnes, parce qu'ils sont comme ça, et puis il faut les aimer comme ça. Voilà, on va pas vouloir changer quelqu'un à l'image de quelqu'un d'autre. Voilà, Nos amis ou nous-mêmes, j'ai lu ça un jour, je trouvais que c'était pas mal, c'est qu'on accepte les défauts de nos amis acceptent nos défauts, que d'autres certainement n'accepteraient pas. Oui, oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est ce qui est fort, certainement, dans l'amour et l'amitié, qui sont quand même... C'est quand même la colonne vertébrale, quoi. Oui, la base des relations et de soi-même, quoi. Mmh. Parce que si je crois que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. On a besoin, on est un animal sociable. Ah oui. Et on a besoin de d'échanger. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Mmh. Très bien. Et la première chanson de la deuxième série, c'était ? Alors, les blessures. Les blessures, voilà. Voilà. Et là, les blessures, c'est quoi ? C'est quelque chose, c'est du vécu, c'est quelque chose que... Bah oui, je pense que les blessures du passé, c'est rare de pas en avoir. Oui, après... je pense que... Et plus on vieillit, et plus on en accumule, hein, parce que bon, il y a toujours des choses... Bon, ça remonte à l'enfance, hein, oui. Je vais pas te l'expliquer. C'est ça. Toujours des choses. Bah, hein, c'est Un adulte, en vérité, il n'a jamais cessé d'être un enfant. Donc, on a beau dire, voilà, on est un adulte. Non, l'enfant qu'on était, on l'est toujours. Mm-hmm. Il a évolué, il a changé. Mm-hmm. Et il y a des choses qui sont passées qu'on se souvient même pas, mm-hmm. qu'on comprend même pas, mais qui sont toujours en train de nous influencer. Parce que c'est avec ça qu'on a appris. Bien sûr, parce que moi, je crois en l'inconscient. Mm-hmm. Et donc, voilà, tout le refoulement qu'on peut avoir dans nos inconscients. Et donc, du coup, effectivement, ces blessures du passé, elles sont toujours là. Mais après, quand on travaille sur soi, si on travaille sur soi, qu'on fait une thérapie, qu'on fait une formation, qu'on fait autre chose, ces blessures de l'enfant intérieur, elles peuvent, il y a ce qu'on appelle la résilience, donc elles peuvent se guérir, quoi. Ou se guérir, ça veut dire qu'on les gère mieux, et donc, du coup, elles influencent pas notre vie. Alors que tant qu'elles sont pas guéries, elles influencent notre vie. Et justement, une fois qu'elles sont guéries, c'est justement, des fois, ça renforce aussi. Justement, parce qu'on a eu quelque chose, une épreuve, on l'a surmontée, on dit... Exactement. De toute façon, on surmonte quelque chose, et ça nous rend plus forts pour affronter d'autres après. Bon. Oui, c'est pour ça que, voilà, qu'à un moment donné, quand je chante, qu'il faut lâcher prise pour vivre le moment présent, parce que... C'est vrai que quand on a si on a vécu des choses, des choses plus ou moins graves, du coup après on a du mal, on contrôle quoi, donc on a du mal à lâcher prise et c'est ça qui nous fait du mal. Mmh. Très bien, bon, moi, en tout cas une très bonne idée moi je ressens bien ce que tu as voulu dire, donc j'espère que tout le monde a compris un petit peu ce thème en tout cas. Super. Voilà. On va continuer à parler un petit peu. Donc là, tu as enregistré un album. Est-ce que tu as déjà des idées ? Est-ce que tu as déjà des morceaux ? Là, il y en a un qui est tout neuf. Oui. Est-ce qu'il y en a déjà d'autres qui commencent à venir pour peut-être un prochain album ? Oui. Et puis pour le premier album, j'avais pas tout mis dedans non plus. Donc il y a des morceaux que je reprends, qu'on retravaille, mais c'est vrai que plus on fait et plus on se rend compte que même les chansons qu'on a fait sur l'album, après on se dit tiens, on aurait pu faire ça aussi, on aurait pu faire différemment. On dirait que tu as compris la question que j'allais te poser juste après. C'est est-ce que les morceaux que tu as enregistrés, ça serait aujourd'hui, tu les enregistrerais différemment? Il y en a certainement, ouais. Oui. Et peut-être le prochain enregistrement, tu as appris avec le premier, peut-être le prochain, tu vas essayer de faire différent, ou alors il y a des choses qui ont bien marché, tu vas garder, il y a des choses que tu dis, ça je peux peut-être améliorer, ça, et ainsi de suite, quoi. Oui, parce que certainement ça sera un petit peu plus clair aussi. Toi, quand je suis parti pour faire l'album, voilà, il y avait des idées, mais toi, je me suis cherché en même temps de faire l'album et tout, donc c'est peut-être un petit peu plus clair maintenant, et donc même ce sera plus simple aussi pour celui qui arrange. Et tu passeras, tu vas passer par les mêmes personnes qui ont fait le premier. Oh, bah, oui, il y a des chances. Après, ouais. Voilà, faut voir s'ils continuent, si bon, après voilà, faut discuter, il faut voir. Très bien, donc impeccable. Voilà, on en sait un peu plus. Mm-hmm. Ce que je propose, c'est qu'on écoute encore un petit peu de musique. Alors, on avait parlé tout à l'heure d'un groupe qu'on aime bien. Il y a plein de gens que tu connais dedans. C'est le groupe Summer Chance. Ouais. Alors, Mika, il m'a envoyé justement les morceaux, trois morceaux. On va en écouter un tout de suite. Ça s'appelle Sleepwalking. Mm-hmm. Je pense que ça parle des funambules. Je sais pas. Oui. Et puis il y a aussi Laurent. Il y a Laurent dans le groupe aussi qui était avec les Black Inside. Oui, tout à fait. Voilà, il est aussi le bassiste. Voilà, c'est ça. Voilà. Le bassiste. D'ailleurs, il y a une photo. J'ai regardé. J'avais pris sa basse. Et c'est vrai que moi. Les instruments, c'est quelque chose que je respecte. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes, il ne faut pas leur toucher les instruments. Et là, c'était Laurent qui me l'avait donné et j'avais pris une photo avec sa basse, qui était formidable. Ah ouais. Et bon, en même temps, c'est un bel objet. J'y fais très attention. Mais déjà, le fait qu'il me la confie comme ça, c'est une preuve de confiance. Parce qu'il y a des musiciens, il ne faut pas toucher leurs instruments. Ça, c'est... Et donc, bon, j'ai trouvé ça super sympa. Et puis, du coup, il y a cette photo qui est restée. Une photo qui a déjà 7 ans, 8 ans. Et oui, c'est ça. Le temps passe vite. Waouh, c'est incroyable. 8 ans. Alors, on va écouter tout de suite Summer Chance. Vous allez voir, ça envoie du bois. Et c'est un groupe que j'ai envie de voir vraiment en concert. Parce que ça, en concert, ça doit être excellent. Oui. Ça envoie très fort. Summer Chance avec Sleepwalking. Bon, ça commence tout doucement, mais ça arrive. Hein, voilà. Is the danger new rapture? Cure avec In Between Day. Alors je me souviens de ce morceau quand il était sorti. Moi, j'avais le 45 tours. Je crois même que j'ai l'album. Oui, j'avais l'album. Je dois toujours l'avoir parce que moi, je conserve plein de choses. Hein. Même si j'écoute plus mes vinyles, j'en ai encore beaucoup. Et depuis un petit moment, je les ai ressortis un petit peu. Et puis j'aime bien écouter les morceaux. Donc ça, c'est. On parlait tout à l'heure de Jarabe de Palo qui était de 96. Ça, c'est encore plus ancien. Ça, c'était les années 80. La jeunesse. Hein, là, c'est en plein. En pleine jeunesse, là. Ouais. Alors, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Exactement, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, on est en 2021, donc les gens de moins de 20 ans n'ont même pas connu le siècle dernier. Nous, on fait partie du dernier siècle. Ouais. Le temps passe vite, hein. Oh là, il y a encore quelques temps. The time is flying, comme diraient les Anglais. Je me souviens, c'était les Burning Head qui étaient venus ici, ils me disent... Ouais. Nous, on n'a pas compris. Nous, il y a 25 ans, on jouait, on était jeunes, et aujourd'hui, on a plus de 50 ans, et on joue toujours avec le même truc, mais le temps est passé à une vitesse. C'est incroyable. Et c'est vrai que bon. Moi, je les ai vus sur scène aussi. Ouais. C'est pour ça, on veut aussi prévenir les jeunes, hein. Ouais. Ça va aller très vite, hein. Profitez-en au maximum, hein. Ouais, mais on sait pas tout ça. Ouais, on croit que, ouais. Mais après, avec l'âge, il y a plein de choses qu'on finit par comprendre. À 20 ans, on n'a pas l'impression qu'on aura 50 un jour, hein. Ouais. Et ça paraît loin. Je me souviens, moi, j'avais calculé, faites pas le calcul, mais je me souviens que j'avais calculé, moi, quand j'étais tout jeune, que à l'an 2000, j'aurais 35 ans, pour te dire. Oh là là. Donc, imaginez. Voilà. Voilà, donc on a écouté The Cure avec In Between Day. Super groupe, hein. C'est vrai qu'il avait marqué quand même son époque et tout ça. Et encore aujourd'hui, il y a des morceaux qu'on écoute avec beaucoup de plaisir. Quelle époque au niveau de la musique et tout. C'est fantastique. Ils osaient tout à l'époque. Ouais. C'est vrai que plein de sons, aujourd'hui qu'on a l'habitude d'écouter, et ben, à cette époque-là, on les a découverts. C'était une révolution, quoi. C'était. C'est New Wave. Ils ont tout tenté à l'époque. Il y avait plein de choses qui marcheront. Jamais, qui n'ont jamais marché. Mais il y avait aussi des choses qui ont fondé les bases de la musique actuelle. Il y a une évolution qui s'est faite. Et juste avant, donc, c'était Summer Chance avec Sleepwalking. Voilà. Et là, ça envoie du lourd. Ah, ça envoie. Franchement, moi, j'ai vraiment envie de les voir sur scène. Il faut les voir sur scène, ça c'est sûr. Et puis là, comme ils sortent des morceaux et tout ça, bah, on va les inviter aussi ici pour qu'ils viennent nous présenter leurs morceaux. Là, j'en ai trop en exclusivité. Là, c'était une exclusivité mondiale, il faut quand même le dire, sur Radio Arc-en-Ciel. Les Summer Chance. On a d'autres morceaux encore écoutés, mais comme le temps passe très vite, hein, il est 21h13, tu as encore des morceaux à interpréter. Ouais. On va te laisser donc la parole, et puis la parole, on laisse l'antenne pour que tu nous interprètes deux autres morceaux. Quels sont ces morceaux-là? Alors, le premier, c'est Désir. Désir, le titre de l'album. Voilà, le titre de l'album. Et le deuxième, c'est Let's Dance Love. Voilà, c'est une chanson en anglais. D'accord. Voilà. Alors, tu composes toi indifféremment en anglais ou en français, hein, c'est pas. C'est beaucoup, plus le français. C'est quoi. Plus le français, puis je sais pas pourquoi l'autre. Après voilà, c'est venu en anglais. Voilà. D'accord. La prochaine en espagnol. C'est venu. Il a fallu quand même que l'internet m'aide pour trouver les bons mots. Les bons mots en anglais, oui. Ouais, mais bon. C'est pas venu. La langue anglaise, c'est une langue qui sonne bien. On est l'habitude. Ouais. On est habitué à écouter cette langue-là sur le rock and roll, tout ça, sur les musiques modernes. Ouais. Mais le français reste quand même. Oui, et puis si on a envie de faire passer un message, mais si on a envie d'être, pour ça que je préfère en français quand même, parce que c'est. Ça nous touche. Déjà, c'est ta langue maternelle, donc c'est beaucoup plus facile. Exactement. Tu exprimes beaucoup plus facilement avec ta langue qu'avec celle d'un autre. Et les nuances sont pas toujours les mêmes. Il y a des choses qui sont très belles en anglais, qu'on traduit en français, ça donne rien. Et inversement. Donc, exactement. Il y a aussi des choses qui sont intraductibles. Tout à fait. C'est-à-dire, si on les traduit, bah, ça a plus le même sens que, ça n'a pas tout à fait la même. Donc, la première chanson, Désir, voilà, c'est entre le. Ça parle du désir. Enfin, voilà, vous allez comprendre. Il y a des images et tout. D'accord. Voilà. Les images. Pourquoi il y a écrit interdit au moins de. Interdit au moins de 12 ans, pas moins de 18 ans. Quand même. Bon, ça va alors, ça va. Et puis à l'heure qu'il est, hein, bon, les enfants sont couchés. Eh oui, bien sûr. Je te laisse donc l'antenne. J'arrête la petite musique de fond et puis c'est à toi. Super. que l'hiver passe, la passion nous reconduit, sans être bien loquace, à chaque fois, chérie, que tu jouis de la vie, le printemps nous ramène au cœur de nos parties, toutes les histoires païennes s'écrivent et se jouent au pays de l'ecstasie. Les saisons captent nos désirs, des orages aussi, avec risque de mouiller, c'est ainsi. Les saisons captent nos désirs, chaleur aussi, sans peur de la sécheresse, c'est ainsi. Enfin l'été se pointe, tu le signes de ton empreinte sur les plages, tes dunes et tes gouttes n'en finissent plus de ruisseler. L'automne des feuilles mortes retombent les mini-shorts et la première cheminée scintille et brûle sur nos deux corps embrasés. Les saisons captent nos désirs, des orages aussi, avec risque de mouiller, c'est ainsi. Les saisons captent nos désirs, de chaleur aussi, sans peur de la sécheresse, c'est ainsi. Bravo. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Willy, voilà, on triche pas, c'est vraiment le son, la voix, il n'y a pas de vocodeur, il n'y a pas de grand orchestre non plus, c'est juste non. Une guitare. Et, mais voilà, l'essentiel. L'essentiel. Feu sur la plage. L'essentiel est là, c'est le plus important. Et une très belle chanson, en tout cas, interprétée en direct live. Et là, il y en a encore une autre juste derrière. Let's Dance Love. I walk away on my side, you walk away on your side, we walk away on the same direction. We have still never seen where we were the wind, we know we need the same affection. Let's dance love with destiny. Bring you closer to me. Let's Love not the only way. The meeting of first day. We will never lose hope. We'll never let us not follow the stars up to us. When I can't read fire, he'll touch in conscience mine. This day will be that. It's us. Bravo, superbe interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par Willy, notre invité de cette émission numéro 481. Voilà. Merci. Bah super, il en reste encore deux et on a envie de les écouter. Alors, mais on oui, va les garder pour les deux autres, c'est des reprises. D'accord. Des reprises, voilà. C'est plus les miennes après. Voilà. D'accord, mais une bon. Choisiture de reprises, voilà, pour aussi des morceaux connus, des morceaux moins connus. Ah bah oui, parce qu'il y a une chanson, ça sera une de U2 qui s'appelle One. Ouais. Et puis l'autre, j'ai choisi Creep. Creep. Ouais, ah, Radiohead, voilà. Radiohead, une chanson magnifique. Voilà. Je me souviens que. Donc après, je ferai ces deux-là. D'accord, impeccable. Justement, je voulais te poser encore quelques questions, puisque on est encore là jusqu'à 22h. L'émission se termine à cette heure-là. Je suis en train de chercher la petite musique de fond, tu vois. Voilà, c'est bon. Sur Désir, c'est ça? Ou sur. La petite musique de fond là, ah, ici. D'accord, là. Pardon. Donc, tu nous parlais un petit peu de morceaux. Donc, Désir, tu nous l'avais déjà dit aussi. Oui. Celui-là aussi. Bon, je pense qu'on a. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Oui. Donc, c'est bon. Oui, le Let's Dance Love, c'était sur le destin. Ça veut dire que j'explique dans la chanson que voilà, on a. Qu'à un moment donné, de toute manière, si on doit se rencontrer, c'est. On doit se rencontrer, quoi. Donc on peut marcher. Tu crois, toi, au destin ou... Non, sans être, sans être mystique, sans croire à tout ça, etc. Mais, voilà, c'est... Bah, il y a quand même des choses qu'on peut pas expliquer. C'est ça. C'est-à-dire que même, moi, dans le futur, je le vois pas comme ça, mais quand je regarde mon histoire, je me dis, il y a des choses... Ça pouvait pas être autrement, je sais pas. Il y a eu quelque chose qui, c'était le destin, je sais pas. Voilà, ça peut aussi nous rassurer de croire ouais, en ça. Ouais. Et mais en tout cas, c'est vrai que la chanson, c'est autour de ça de toute manière. Hein. C'est dansons l'amour avec le destin, quoi. Donc du coup, c'est bien qu'à un moment donné, on doit se rencontrer. Donc oui, c'est vraiment, on est dans le destin, quoi. Bah, c'est vrai que pour les histoires d'amour, on a tendance à croire que c'est comme ça. Hein. Il y a une personne. On peut être compatible avec plusieurs, mais il y en a une qui nous est destinée, on dirait. Voilà, et avec laquelle tout se passe bien. Et il y en a d'autres, bon, ça marchera jamais. De toute façon, il y a rien à faire. Ouais, tout à fait. Et puis, je sais pas si tu as cette impression aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est tu rencontres quelqu'un pour la première fois, t'as l'impression au bout de quelques minutes, quelques heures, que tu le connais depuis toujours. Et il y en a d'autres, et t'arrives pas. Il y a pas moyen. Donc voilà, il y a quand même. Il y a des personnes qu'on connaît depuis longtemps et voilà qui nous touchent et tout. Puis il y en a d'autres qu'on connaît depuis un quart d'heure, depuis une demi-heure. Et comme on disait tout à l'heure, c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça se passe bien. Et tu dis, mais on a l'impression de se connaître. On a l'impression de. On peut dire les choses facilement. Parce qu'il y a des fois, c'est pas évident. Et on n'a pas tous la même manière de parler. On vient. Et puis il y a d'autres personnes, ça paraît limpide. Voilà, ils nous parlent. Ce qu'ils nous disent, on le comprend bien. Ouais. Et il y a des gens, moi je dis souvent, il y a des gens qui nous disent, passe-moi le sel, on comprend pas. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui, voilà, qui disent des choses très compliquées. Et puis ils disent, ouais. Et puis je crois que il y a aussi l'humour. Je trouve que dans les rencontres, je pense que quand il y a quand on a un humour qui se cale bien, ça facilite les choses, je trouve. Bah, l'humour, je pense qu'il sert aussi à ça, à détendre l'atmosphère lors d'une rencontre, un truc comme ça. C'est une manière de. Puis on rigole pas tous de la même chose. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais qu'il y a des fois des trucs, c'est un petit peu. Il y a certains humoristes qui sortent des choses, des phrases un peu. Moi, ça me fait rire, et puis deux, ça les fait pas rire du tout. Et inversement, il y a des gens, moi, je vois, par exemple, je vois avec des gens d'autres générations, plus jeunes que moi, des fois, on regarde des émissions, ils sont écroulés, et moi, je dis, mais attends, mais il y a rien, ça ne me fait pas rire du tout. C'est ça. Et voilà, comme quoi, on n'a pas tous le même, la même sensibilité. C'est culturel aussi, je pense. Il y a des choses, et même nous, moi, je vois, par exemple, il y a des choses on pouvait rire dans les années 80 et aujourd'hui on peut plus rire. C'est un petit peu dommage aussi ça. Ça c'est sûr que certains humoristes passeraient pas aujourd'hui. Et une époque on pouvait dire n'importe quoi. Et aujourd'hui il faut faire beaucoup plus attention à ce qu'on dit. C'est un peu dommage quoi. Ouais. C'est dommage parce que bon après ça peut être aussi blessant. Donc on évite de le faire. Par exemple toutes les blagues un peu racistes qu'on sortait à une époque aujourd'hui il faut plus les faire parce que c'est vrai que c'était pas bien. Mais bon après il faut aussi savoir le sujet brûlant. Ouais voilà c'est sujet brûlant et c'est un petit peu dommage de le prendre comme ça parce que bon moi je sais que je suis le premier moi j'ai des amis de couleur de toutes les races de tous les pays et tout ça et des fois on plaisante avec ça et c'est pas méchant du tout venant de moi ils savent que de toute façon ce sera pas méchant mais c'est vrai que quelqu'un d'autre leur dirait ils le prendraient pas de la même manière donc c'est pour ça des personnes peut-être tout à fait de l'intention qu'on a moi tu sais moi des fois on me raconte des histoires de maçons avec des truelles. Moi, ça me fait rire parce que bon, je m'en fous. Mmh. Voilà, les Portugais. Moi, je sais que j'en connais beaucoup. Ça nous fait rire. Bon, pas plus que ça. Mais bon, en même temps, bon, allez, on en rigole. Il vaut mieux prendre ça comme ça. Mais il y a des choses aussi qui peuvent être vexantes aussi pour certains autres. Voilà. Je crois que ça dépend des gens qui le font. Quoi. Aussi, ouais. Parce que si des gens bien intentionnés. Et après, ça dépend la même phrase, comment elles sont dites. Hein. Voilà, ouais. Voilà. C'est compliqué, hein. C'est compliqué tout ça, mais. Cet humour-là, c'est compliqué. Heureusement, il y en a qui le font toujours. Ouais. Mais bon, il faut savoir le dire, mais. Il faut prendre des choses second degré. Oui. Voilà, c'est pas forcément. Ça permet de nous piquer un peu. Un petit peu, et puis de nous faire réagir, et puis, voilà. Non, mais celui qui croit, qui fait de l'humour, et sur une blague, comme tu dis, de maçon, de truelle, avec les. Moi, je parle pour mon cas, mais il y a pour chaque chose, hein. Voilà, pour les Portugais, c'est. Enfin, celui qui pense que c'est que ça, il est idiot. Donc du coup, voilà, c'est une blague. Et puis voilà, c'est. Enfin bon. Oui, après, voilà. Ça dépend des gens, je crois. Puis il y a des gens qui sont peut-être plus sensibles que d'autres, plus susceptibles. Et après, il y a aussi des sujets. Par exemple, moi, je vois pour les maçons, tout ça. Bon, c'est aussi un peu une réalité parce qu'il faut savoir que les gens, la France a manqué de main d'œuvre et les Portugais qui sont venus, c'était souvent des maçons. Voilà, donc ils étaient là. Mais au Portugal, il y a des gens qui font autre chose. Faut le savoir. Mais bon, après quelque part, on en rigole aussi. C'est ça la blague, voilà. Ouais. Et puis voilà, les gens bêtes, ils restent là-dessus, puis voilà. Bon, non, il faut être plus intelligent. Et puis, heureusement. Mais et on aime bien se chambrer un petit peu. Par exemple, les gens qui sont originaires du Nord, ceux du Sud, et puis on va aller. Mais il faut que ça reste bon enfant, quoi. C'est ça. L'humour, c'est pas facile. Hein. Oh là. Parce qu'il y a l'ironie, il y a l'humour, il y a l'ironie, il y a chambrer. Ouais. Il y a, c'est-à-dire que. Et il y a aussi des gens qui disent des choses très méchantes, sous couvert de l'humour, et en vérité, non, ça c'est pas drôle du tout, ça, il y a des choses, bon. Mais bon. Parfois, ça peut blesser, mais quand ça blesse, ça nous. Peut-être ça nous réveille certaines choses, donc ça nous fait aussi réagir, et voilà, ouais. Bon. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est pas évident de voir tout ça, mais bon. Non, aujourd'hui, non. Ouais, mais quelque part, oui, aujourd'hui, il faut faire plus attention. Avait, entre Coluche à l'époque, des proches, Coluche, voilà, toute la. Aujourd'hui, ça passe. Ça, je pense pas que ça passe. Hein. Ouais, il y a des choses qui. Ouais, il vaut mieux pas. Non. Et puis, je pensais aussi, là, j'ai vu dernièrement, il y avait. C'était. Au Québec, il me semble. Où il y avait des gens qui détruisaient les Tintins et les Astérix, parce que dedans il y avait soi-disant des trucs racistes, ceci, cela. Ouais, je trouve que c'est un peu nul aussi, on va pas détruire non plus. Bon, c'est vrai qu'il y a des certaines choses, bon, mais il faut se remettre dans l'époque, hein, l'époque. Il faut savoir que même en France, il y a des époques où c'était bien vu de, aujourd'hui c'est, bon. Mais bon, il faut vaut pas. Non, mais voilà, la société évolue aussi. Évolue aussi. C'est sûr que bon, il faut être. Choses, je pense, ils ont raison, quoi. On parle aussi de la condition des femmes, et heureusement que la société évolue et les blagues pareilles de mecs, voilà. Donc c'est. Et inversement, on s'en prend aussi dans la figure des ça, fois. C'est sûr. Mais bon, parce qu'il y a des clichés, il y a des choses comme ça. Mais c'est bon, ça. Après, il faut prendre ça avec le sourire. Et puis, on a besoin les uns des autres et on a besoin de nos différences. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà. Donc toi, depuis, qu'est-ce qui te plaît dans la vie en général? Tu aimes la musique? Alors, est-ce qu'il y a d'autres passions, de choses que tu as envie de... Alors, j'ai fait pas mal de sport, donc voilà. Quand j'étais plus jeune, je faisais de l'athlétisme, voilà. Je fais du tennis, j'ai fait du hand également. Donc là, bah voilà, je fais un peu de tennis. Et puis, depuis le mois de septembre, là, je fais quelque chose que je rêvais depuis toujours. Je fais du kung-fu, je me suis inscrit au kung-fu. D'accord. Ah, c'est vrai que... C'est original. C'est pareil, moi je me souviens d'une époque où j'étais encore gamin et quand t'avais Bruce Lee à la télévision, c'était quelque chose. Et je me souviens qu'à cette époque-là, il y avait une grande mode hein, du kung-fu, du karaté, des arts martiaux en général. C'était... Et tous les gamins, ils aimaient ça, quoi. Avec David Carradine, je sais pas si tu te souviens. Ouais, David Carradine, kung-fu, la série kung-fu, ouais, c'était... Et en même temps, ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est que ce sont des armes. Hein, on nous apprend à nous servir de notre corps comme des armes. Mais en même temps, il y a toute la philosophie derrière. Voilà, il faut s'en servir que quand il y a vraiment besoin. Il y a le respect de l'adversaire. Il y a un tas de choses comme ça. Ça, c'est important aussi. Ça va avec. Oui, et puis moi, c'est ce qui m'intéresse. Ouais, moi, je crois que c'est une des choses les plus importantes. Et puis, je me rends compte, j'ai pas vu beaucoup de cours, mais je me rends compte... Oui, il y a de l'attaque, mais il y a aussi beaucoup de défense. C'est beaucoup de défense. Le but, c'est souvent de se servir de la force de l'autre contre lui-même. Voilà, donc il faut on réagit un peu comme un miroir et on renvoie à l'autre sa méchanceté, sa force, etc. Donc, c'est cette philosophie qui est très intéressante. Hein. C'est chinois et. Ouais. Et la philosophie chinoise, l'histoire. Déjà, en Asie, ils ont une manière de penser différente de nous. Et on a beaucoup à apprendre de ça. Nous, on ne réfléchit pas toujours pareil. Nous, en Europe, on est peut-être un peu plus. On réfléchit moins, on agit plus. Et eux, là-bas, ils méditent. Très matérialiste, peut-être ici. Et c'est vrai que là-bas, par exemple, sur la santé, les gens, ils vont voir le médecin avant d'être malade. Voilà, donc ils vont voir le médecin, c'est comment je peux rester en bonne santé. Alors que nous, on y va voir le médecin. On y va quand ça va plus, quoi. Voilà. C'est une petite différence. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Tu as eu l'occasion de voyager beaucoup, non, tout au long de ta vie Alors, oui, écoute, pas mal. Alors, pas du tout en Asie. Ah ouais? Mais aux États-Unis, voilà, j'ai un frère qui habite aux États-Unis. Et donc depuis très longtemps, donc voilà, donc je fais pas mal les États-Unis. Au Brésil, j'ai un oncle. Voilà, on a eu un projet à un moment donné d'acheter une maison, de la revendre et tout. Et puis où est-ce que je suis un peu partout en Europe parce qu'on y va régulièrement. Et puis là, dans dans pas longtemps, je vais pas dire où je vais parce que c'est une surprise. D'accord. Donc on n'a rien dit. Voilà. Mais voilà, dans 3 semaines je repars. Et puis voilà. Donc c'est vrai que non, j'ai un peu baroudé. Ouais, je me suis promené. Ouais. Et puis le voyage, c'est intéressant. On va dans des pays, par exemple, en Asie. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Sri Lanka et les gens ne pensent pas du tout pareil que nous. Ils sont souriants, ils ont rien. Et quand on est rentré en France, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Les gens, ils sont malades, ils font tout ça à gueule. Et parce que pendant 15 jours, j'ai vu que des sourires, quoi. C'était ça. Oui, parce qu'ils ont rien matériellement. Mais par contre, je pense qu'ils vivent. Ils vivent peut-être plus ensemble parce que, enfin, moi je pense que c'est vrai, on est quand même individualiste notre société et on le voit même nous à notre, enfin, on va reparler comme des vieux, mais quand on était plus jeune, déjà ça a vachement changé par rapport à aujourd'hui. Oui, ça évolue, hein. Puis ça changera encore. Voilà. Il n'y a rien de figé dans la vie, hein, il faut le savoir. Hein. Donc c'est comme ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi qui aimes la musique, qui aimes les voyages, tout ça, de devenir musicien et d'interpréter des morceaux devant des gens. Qu'est-ce qui t'a fait basculer? Parce qu'il y a un pas à faire. Parce qu'entre aimer la musique, moi j'aime la musique depuis longtemps, mais jamais je me suis dit, tiens, je vais écrire quelque chose et je vais devenir moi-même musicien, je vais écrire mes chansons, faire la musique et puis l'interpréter devant quelqu'un. C'est quoi qui a fait le déclic? Quelle bonne question. Quelle bonne question. C'est pas toujours évident. Ça se trouve, ça s'est pas fait. Il n'y a pas eu de déclic. Ça s'est fait progressivement. Oui. Alors déjà, mon grand-père, du côté de ma mère, était un très bon musicien. Il faisait du violon, de la batterie, du violon. Et voilà, il vivait aussi de ça. Et donc, du côté de ce côté-là, il y a pas mal de musiciens, donc sensibles. Voilà, il y a du violon, il y a du piano. Et quand j'ai rencontré, alors j'aime bien chanter. Je crois que j'ai toujours aimé chanter. Et puis dans le chant, voilà, quand je chante, on me dit que j'ai chanté juste, etc. Donc tout ça, ça motive aussi certainement. On rappelle qu'il n'y avait pas de vocodeur. Hein. Voilà, c'est ça. C'est fait vraiment c'est ta vraie voix. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une facilité de modifier sa voix et tout ça. Ça peut donner des effets, mais à l'origine, ces appareils-là, ils servaient à corriger quand quelqu'un chantait faux. Oui. Donc on pouvait réussir à faire chanter quelqu'un. D'ailleurs, ça a été fait. Hein. Il y a des gens qui chantent faux, simplement, et on a réussi à les remettre en phase. Mais il y a des musiciens des chanteurs qui n'ont jamais eu besoin de ça parce qu'ils chantaient juste naturellement. Voilà. Heureusement. Donc c'est une technologie qui est très récente. Mais tous les anciens chanteurs, c'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Mmh. Oui. Après, voilà. Donc, et puis après, le groupe Black Inside quand même a été quand même quelque chose de très bien. Et puis après, c'est venu comme ça. Je me disais toujours, il y a un truc qui va venir. Alors c'est vrai que ce que je te dis, depuis Black Inside, et après j'ai arrêté, et j'ai rien fait pendant quelques temps quand même. Hein. Mais au fond de moi, je me disais, un jour va y avoir quelque chose, une opportunité, quelque chose. Et je te parlais des deux amis où voilà, on a fait nos chansons, on s'est créé un petit groupe, Les Incompris et tout. Et je pense que avec ça et suite à ça, je me suis dit, voilà, c'était comme une pulsion, quoi, comme un désir. C'est pour ça que j'ai appelé mon album Désir, parce qu'il y a, c'est le désir qui nous pousse, quoi. Si on n'a pas de désir, on peut pas faire les choses. Donc c'est un désir profond qui est là et intuitif et de créativité, parce que je pense que voilà, on a tout ça en nous. Et puis, bah, moi, voilà, c'était ça. Je pense que tout le monde, on dit, moi, je me souviens quand j'étais à l'école, j'avais une prof de dessin qui nous disait, on est tous des artistes. Alors, ça nous faisait rire, mais c'est vrai que je pense qu'on est tous des artistes. Ah, oui. Mais il y en a certains qui le développent, d'autres qui finalement passent à côté de plein de choses. Il y a aussi des gens qui l'ont refoulé pendant toute leur vie parce que, il y a les enfants, il y a la maison, il y a la voiture, ceci, cela, il y a le boulot. Et puis un jour, quand ils ont un peu plus de temps, ils se sont dit, maintenant j'ai envie de me consacrer à ça. Parce que c'est ce qui me tient depuis longtemps. Finalement, ça tourne dans moi, mais ça ne s'est jamais réalisé. Et donc, ouais, c'est souvent un besoin. c'est un besoin, quoi. Eh ben, et oui, puis ce que tu dis finalement, c'est oui, j'avais mes filles, ils sont à un moment donné à part, et puis effectivement, je m'y suis mis peut-être à ce moment-là. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a une histoire. On a tous une histoire. Il y a toujours une raison à chaque chose qu'on fait. Donc voilà, c'est moi j'ai un peu cerné le truc alors. Ah oui, bah je sais bien comme tu es. Hein. Donc si vous. Je sais que tu creuses, toi. Non, mais parce que c'est parce que aussi on est tous semblables. Hein. Il y a des ressemblances. Il y a des choses que je ressens. Donc je teste aussi pour voir si les gens effectivement on s'aperçoit qu'on est tous fait un peu pareil. Hein. Et moi je vois fois c'est il y a des choses qui sont culturelles, mais il y a des choses qui viennent du plus profond. Hein. Moi, je vois des gens qui ont des cultures complètement différentes. Et en discutant, on s'aperçoit que bon, on est les mêmes, quoi. On est les mêmes. Il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent d'Amérique. Et on s'aperçoit que même on parle pas la même langue et tout ça. Et au bout d'un moment, on se dit, mais ce qui nous lie, ce qui fait qu'on est ensemble, c'est parce qu'on aime la même chose et on aime partager des moments comme ça. Et voilà, c'est formidable. C'est complètement vrai. Moi, je vois au Brésil, quand je suis allé quelques fois au Brésil, et c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que l'être humain, il a besoin de rencontres, de parler, d'amour, d'amitié, de bienveillance. Enfin, je crois que tous les êtres humains ont besoin de ça. Hein. Bah oui, voilà. Et malheureusement, c'est là-dedans qu'on se rencontre. Et malheureusement, moi je dirais qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc dès qu'on voit des gens qui sont différents de nous, on a peur d'eux. Ce qui est tout à fait normal aussi, en même temps. Mais quelque part, il faut prendre le temps de découvrir les autres personnes et on s'aperçoit que finalement, d'où qu'ils soient, on aime tous la même chose. On a toujours des enfants, on veut avoir des enfants, on veut les élever dans les meilleures conditions possibles, on veut le bien pour tous les gens qui nous entourent et voilà, on est tous pareils, quoi, finalement. Pourquoi on travaille? Pourquoi on se lève le matin? C'est parce qu'on a tous le même but, finalement. Et on aime bien partager un repas. Voilà. Tout le monde mange, donc partager un repas, ça c'est un bon vin, un bon vin. Voilà, et ça, c'est des moments de partage, c'est des choses comme ça, et on n'a pas besoin d'avoir la même culture, on peut apprécier les mêmes choses. Voilà, c'est sûr, non, mais ça c'est vrai. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu me parles de ça, j'ai une chanson, que je continue à travailler, et qui dit que toutes les âmes sont belles, il n'y a que de mauvaise vie. Donc oui, donc c'est vrai que voilà, on part du principe que voilà, on a tous les mêmes volontés. Enfin, ouais. Mais après, il y a des vies qui peut-être nous dévient d'ailleurs. Ça. Ouais, c'est bien trouvé, c'est une dévie. un petit jeu de mots qui fait que ouais, effectivement, il y a des choses qu'on aurait vécues d'une certaine manière, mais des fois on se prend des bonnes claques et on se dit voilà, je veux plus jamais. Et c'est dommage parce que des fois, ça nous bouche aussi des horizons. Et oui, tout à fait. Voilà. C'est bien de parler de tout ça. Bah oui. Voilà. Donc, encore une émission très instructive, une émission Mavrika. Et on va écouter un petit peu de musique parce qu'on papote, on papote. Ouais. Y a d'autres morceaux que tu nous avais apportés aussi, les Creedence. Pourquoi ce groupe-là? Ah, c'est un groupe que j'adore. Un groupe culte, quoi. Déjà. C'est un groupe culte des 70. 70, c'est, ouais. C'est du rock. J'adore. Je t'ai même mis après une chanson, je ne sais pas si on aura le temps d'écouter. Alors, c'est autre chose, hein, c'est Elvis Presley. Mm-hmm. Parce que pourquoi je mets ça? Pourquoi j'aime ça? Parce que ce qui me touche beaucoup, c'est les voix. Oui, Elvis Presley, c'est quand même... C'est la voix, quoi. C'est la voix, ouais. Voilà, c'est ça. C'est un chanteur. Il a toujours été chanteur. C'est ça. On joue aussi de la guitare, en sortillant les jambes un petit peu, là. Ouais, du piano et tout, mais sa voix m'a toujours touché, quoi. Et donc, quand j'écoute une chanson, la voix est très importante. Bah bon, en même temps, si t'as choisi d'être chanteur, c'est peut-être pour ça. Parce qu'il y a des gens, moi je vois, il y a des guitaristes. Bon, les guitaristes souvent ils aiment bien la guitare. Il y a aussi des bassistes qui ont été des guitaristes contrariés, c'est-à-dire ils ont commencé à jouer la guitare, ils ont dit voilà, ça va un peu compliqué pour moi, je me retranche. Parce que j'ai eu des gens qui me l'ont dit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Dit ouais, je me suis mis à la basse parce que l'autre était meilleur que moi à la guitare, donc moi j'ai passé à la basse, etc. Et d'autres qui sont bassistes parce que de toute façon non, c'est le son qu'ils aiment, c'est voilà, il y a chacun sa sensibilité, hein. Donc et toi, la voix, c'est ce qui te touche et c'est ce que tu as envie, ce que tu travailles, ce que tu as envie de, c'est ton instrument, quoi, c'est ton instrument à toi. On écoute les Creedence. Alors c'est parti, et puis juste après on s'écoute un petit Elvis Presley. Oh, super. Trois morceaux à la suite, et puis là on revient dans les studios pour discuter avec notre invité, c'est Willy ce soir, W-Y-2-L-I, voilà, tout simplement. Voilà, on l'a retrouvé quand même, parce qu'il nous manquait Elvis Presley, on a réussi à le trouver quand même. Entre temps, ça nous a permis d'écouter juste à, ah, donc, on va revenir au départ. Donc c'était Creedence, le groupe s'appelle Creedence Clearwater Revival. Voilà, c'est le nom. Ouais. Et le titre qu'on écoutait, c'est Have You Even Seen the Rain. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc un superbe morceau des années 70. Ouais. Après, on a été dans les années 80, 1986. Ouais. Donc c'était Niagara avec Quand la ville dort, 1986. Moi, je me souviens, à cette époque-là, je l'avais vue. Ouais. Elle était à 2 mètres de moi. Et oui. Donc c'était au zigzag, hein, tout simplement, Olivier, on recevait des artistes assez souvent, et donc j'ai vu tout le concert, elle était à 2 mètres de moi, il y avait Muriel Moreno. Je l'ai vu en concert, ouais. En 88, 89. Et c'était une bête de scène, franchement, elle hypnotisait énorme. Tout le monde. Énorme. Et il ne faut pas oublier aussi Daniel Chenevez, qui est le clavier, ouais, aussi, qui est un gars, c'est lui qui faisait les musiques et tout ça, qui est excellent. Et après la séparation de Niagara, il a fait une petite un peu de carrière solo. Mais franchement, c'est super bien. Même moi, j'adore ce qu'il faisait aussi. Hein. Ah oui, et donc c'est voilà, sûr. c'est bien de parler de Niagara. C'était une bête de scène. Une bête de scène. Hein. Il fallait la voir danser. Voilà. La voix, elle attaque toujours. Hein. Ah ouais, ouais. Rien. Une super voix et puis une très belle femme. Hein, ça ne gâche absolument rien. Et voilà, donc Niagara, 1986, Quand la ville dort. Et à l'instant, là, on est remonté carrément. C'est une très vieille chanson, ça. Ouais. C'est Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, ouais, with You. C'est ça. Voilà, c'est une très belle chanson. C'est un standard, ça. C'est simplement un standard. C'est enregistré. Après, ça touche ou ça touche pas, mais ouais. Moi, ça me bouleverse, quoi. Parce que nous, ce qu'on regardait, c'est voilà, c'est critiquable ou pas. Donc c'est quand même c'est sur YouTube, on va le dire. Hein. Mm-hmm. Il y a 2,8 millions de pouces en l'air, mmh. il y a quand même 47 000 personnes qui ont mis le pouce en bas. Voilà. Bon, une chanson comme ça, je pense que... Ouais. Enfin bon, ah, après... Bah, chacun ses goûts. Hein, chacun pas, ses voilà. goûts, mais bon, voilà, ça nous a un petit peu... Mais enfin, nous, on reste là-dessus, c'est un standard. Elvis Presley, c'est un des plus grands chanteurs du monde, encore aujourd'hui. C'est une idole, c'est... Des gens, on croit qu'il est toujours pas mort. C'est quoi. Ça. Bah, c'est vrai. Ça. Attends, il se tape la belote avec Michael Jackson voilà. et compagnie, hein, voilà. et Prince et tout ça. Voilà, voilà on va donc arriver bientôt à la fin de cette émission. On va dépasser un petit peu parce que tu vas nous faire deux versions en live. Écoute, oui. C'est des covers en plus. Ouais, c'est ça. C'est des reprises. Tu nous avais cité tout à l'heure. Alors, tu vas derrière Elvis, c'est super. Ah ouais, la marche est haute, mais bon, à notre niveau, on va oublier ça. il a une voix qui vient dans le grave et qui monte assez c'est bien. Sûr. Donc, c'est un crooner en même temps. Il a commencé comme rocker, hein, rock and roll, et très vite, il s'est tourné. C'est quand même une des plus belles voix masculines. Hein. C'est plein de charme, The King, voilà. Elvis Presley dans l'émission Maverick. Je crois que c'est une des premières fois qu'on le passe. Hein. C'est rare et pourtant. C'est très et pourtant. Rare. Et pourtant, on devrait le passer beaucoup plus souvent dans toutes les radios. Donc, je vais te laisser l'antenne pour les deux dernières interprétations. Ok. Bon, bah, écoute, donc ça va être One de U2 d'abord, et puis Creep de Radiohead. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Willy. All you got is a dernières notes. Voilà. Superbe interprétation One de U2. Hein. Très belle chanson. Hein. Années 80, c'était ça aussi. Hein. Cette époque-là. Oui. Tous ces albums et tout. Et voilà, cette chanson, ça fait. Voilà, c'est, et aujourd'hui, c'est un des plus grands groupes du monde. Hein, oui. Ils sont encore, toujours. Hein. Oui, je voilà. crois, oui. Oui, je crois qu'à une époque, c'était le groupe qui jouait le plus fort. Et apparemment, ils avaient des problèmes parce que beaucoup de gens avaient des acouphènes en sortant de leur concert parce qu'ils jouaient le plus fort. Et donc après, bon, maintenant, il y a des normes, certains trucs, il faut faire attention aussi quand même. Il faut protéger les oreilles. Hein. Si vous écoutez U2 trop fort, vous ne pourrez plus les entendre après. Et donc, il faut mieux les écouter avec modération. Hein. C'est comme tout. Hein. Surtout quand on est... C'est vrai que il y a ça. Et puis, pour les musiciens, moi, quand on jouait avec Black Inside, les groupes de rock, là, c'est... Bah ouais, malheureusement, moi je connais beaucoup de gens qui travaillent. Si tu regardes les musiciens, il y en a beaucoup qui sont sourds, hein, et donc il faut se protéger. Hein, et puis après, il y a aussi, moi je connaissais aussi des gens qui font de la sono, qui sont sourds aussi à force. Bah oui, il faut. C'est les instruments, et après, si on les abîme, après ça marche beaucoup moins bien. Les DJ aussi qui sont dans les trucs, tout le temps à fond. Et c'est vrai que bon, il vaut mieux se préserver, puis mettre peut-être un peu moins fort et écouter dans des bonnes conditions, quoi. Il faut quand même un certain volume, mais bon, il faut pas non plus que ça crie de trop et de se faire du mal. Non, c'est pas bon du tout. Voilà, en tout cas, U2, ça reste quand même un des plus grands groupes actuels. Hein. Ouais, voilà, et juste après, alors. Donc Radiohead Creep. Radiohead Creep. Une très belle chanson aussi. Passez à toi, quand tu veux. Merci. When you hear before, could look in your eyes, you're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather in a beautiful world, I wish I was special. So fucking special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't care if he hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. I'm so fucking special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Ooh, she's running again. Ooh, oh, she's. Oh, she's running. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. Thank you. On m'entend toujours. On t'entend. Je suis désolé. Ah bah oh là, t'as eu une envie de tousser. C'est du direct. C'est du direct de live. Très bien. Il y a pas de souci. Voilà. Pour la dernière, mince. Ouais, le reste était bien interprété, c'est ouais. Juste. Ah, j'avais les travers, je pouvais plus. Je suis désolé. Voilà, en tout ça cas, arrive. Bravo. Donc, pour cette superbe interprétation en direct live dans le studio Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bah, on fait vraiment du direct, hein. En plus, on a dépassé un petit peu sur l'horaire. Et là, voilà, donc, mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent, et puis, t'as avalé de travers, et puis. Voilà. Voilà. On arrive donc à la fin de cette émission, Willy. Est-ce que tu as un message particulier à faire passer auprès de personnes en général ou en particulier ? Alors déjà, Coco. Déjà Coco, ma femme. Voilà, parce que j'ai... Ça fait 32 ans. D'accord. Donc bientôt 33. Et donc, bah, je crois que je lui dois tellement que... Presque tout. Et voilà, donc je l'aime et voilà. Et j'espère qu'on sera encore heureux. Ouais, bah, j'espère bien. Attends. Ah. Voilà, donc bah, c'est une grande déclaration, mais ça, c'est vrai voilà. Que c'est bien de le dire de temps en temps aussi. Oui, hein, j'ai voilà. De la chance de l'avoir rencontré. Voilà. Et puis, bah, voilà, bah, tout, je remercie tout, tous mes amis, toute ma famille. Voilà, pour qui. Voilà, c'est très important et donc voilà, et puis toi aussi voilà qui nous reçoit, j'ai l'impression d'être chez moi, j'ai l'impression que je joue chez moi, donc c'est bon, alors voilà, il y a plus de pression, il y a plus rien, donc ouais, impeccable, donc c'est super, c'est un peu le but aussi, hein, voilà, à part quand on avale de travers, mais bon, mais ça c'est des choses, ça arrive, hein. C'est l'expérience qui va, voilà, il faudra que je fasse attention la prochaine fois. Mais voilà, et puis bien sûr tous les auditeurs voilà hein, qui nous écoutent on va les remercier parce que ça c'est voilà, important, c'est vrai que très important. On fait une émission de radio, il y a des gens qui se manifestent, d'autres qui se manifestent pas, il y en a certains qui se sont manifestés avant l'émission, d'autres qui vont nous mettre des petits commentaires à la fin. Ouais. Donc moi il y a une personne qui partage l'émission depuis énormément de temps, c'est la plus fidèle auditrice de l'émission Mavrica, on va la citer, c'est Irène, hein, donc bah, je fais un petit coucou très parce connu que voilà. Qui était déjà là il y a 8 ans. Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment fidèle. Et on en parlait déjà. Bonsoir Irène. Et voilà, il y a aussi une autre personne qui était je savais pas si elle était connectée ou pas, et bon, c'est Florent, parce que Florent c'est quelqu'un de très important, il fait partie de l'équipe, même d'accord. S'il n'est pas présent ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel, c'est la personne qui fait les podcasts. Donc l'émission est enregistrée et il les remet en ligne, donc pour les gens qui n'ont pas pu écouter l'émission au moment précis, hein, donc ils peuvent le réécouter demain ou après-demain, ou télécharger carrément et garder un souvenir, parce que c'est ce que je fais aussi, hein, moi derrière, après je récupère les fichiers pour pouvoir extraire quelques lives, par exemple le dernier là que je vais rediffuser la semaine prochaine. C'est gentil, je te remercie vraiment. Non, je pense que j'ai plutôt sélectionné un des morceaux à toi, ils sont, je pense, ou alors plusieurs, on va voir, et donc c'est grâce à notre ami Florent, donc on le remercie pour tout ce qu'il fait, parce que c'est merci, vraiment Florent. Formidable, en mon nom et aussi de tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel, parce qu'il fait ça pour pratiquement toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel, je dirais presque toutes. Ouais, wow. Bravo Florent en tout cas. Ouais, merci à lui. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Mm-hmm. On a passé un bon moment ensemble. Ouais. On a même pris la liberté de dépasser un petit peu parce que bon, on avait prévu tellement de choses. Ce qu'on va faire maintenant, bah, on va dire les phrases magiques. Les phrases magiques, c'est toujours les mêmes depuis très longtemps. Mm-hmm. Il y en a peut-être quelques-unes qui se sont greffées. Donc la première, c'était que le rock and roll soit avec vous. Oui. La deuxième, c'est Everything is gonna be alright en anglais. Et la troisième, c'est une vie sans musique serait une erreur. Donc on peut en rajouter d'autres. C'est vrai que régulièrement on en rajoute d'autres, on enlève et voilà. Mais celle-là, c'est les trois qu'on sente. Et puis ce qu'on va dire aux auditeurs, c'est voilà, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Oui. Merci voilà. À toi. Bah, merci à toi, Willy. Et puis tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Bah, hein. C'est vraiment tu gentil. Et puis si je rajoute une petite phrase, c'est que j'aime bien, comme tu me disais. Phrase magique. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et c'est une phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Voilà. D'accord. Bah super. Magnifique, voilà. Bah, je te remercie beaucoup d'être venu pour cette émission numéro 481. Donc, il y aura le podcast de notre ami Florent. Et puis, la semaine prochaine, je voulais diffuser un morceau. Je ne sais pas où ils sont passés les fichiers parce qu'ils étaient dans ma clé la semaine dernière. Là, j'ai voulu diffuser. J'en suis désolé. Mais la semaine prochaine, toute l'émission lui sera consacrée. D'accord. C'est Bruno Bauer. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Je voulais vraiment passer un morceau. D'accord. Mais bon, la semaine prochaine, on aura tout le loisir. Donc, c'est quelqu'un qui... semaines d'après. Oui, et les semaines d'après aussi, parce qu'on garde toujours quelque chose et on repasse des morceaux. Donc, on n'a pas toujours le temps de repasser tous les artistes à chaque fois, mais bon, régulièrement, on aime bien quand même faire un petit tour et puis diffuser tous les artistes qui sont passés dans l'émission Marika. Et Dieu sait s'il commence à en avoir. Il y en a pas mal. Et donc, Bruno Bauer, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et c'est la première fois qu'il va venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, c'est encore une très bonne occasion de passer un bon vendredi soir à partir de 19h jusqu'à 22h. Super, on sera là. Voilà, merci en tout cas merci Willy. Merci beaucoup. On va faire les photos et puis il y aura des souvenirs, donc ils seront publiés dans le Facebook de l'émission. Ça passe vite, 3 heures finalement. Bah ouais, 3 heures, c'est... Par rapport à ce qu'on faisait avant, on faisait des émissions très très très longues. Ouais. On faisait des émissions de 8 heures même, jusqu'à 4 heures du matin, le record hein, quand même, en commençant à 8h30. Donc aujourd'hui maintenant c'est 3 heures, mais par contre on essaie de faire 3 heures à fond, on est à fond là-dedans. Et puis après on va prendre des photos, je vais te remettre aussi des documents, des plein de choses. Bon, merci et puis à très bientôt. Merci du fond du cœur, Edbino. Merci beaucoup. On va laisser un petit peu de musique, des morceaux que tu nous as apportés, et comme ça, on continue d'écouter un petit peu avant de rendre l'antenne et de laisser place à RTP International. D'accord. Au revoir. Nous on s'en fout. Les lendemains qui chantent les deux pieds portés dans le vide. Le va toucher sa fin et moi j'ai fini ma chanson. Il n'y aura plus d'image, bientôt il n'y aura plus de son. La journée d'avant noir m'offre sa main. Um monte de questões, um monte de medos que a gente, que nós próprios sentimos a vida toda e que agora deixa de ser só em relação ao nosso corpo e passa a ser em relação ao corpo dessa menina que a gente está gestando e que vai, que a gente